bientôt 6h, soyez tous les bienvenus, c'est Virgin Radio. On est avec vous, dès 6h, Camille sera de retour avec toute l'équipe du Virgin Tonic. Il y aura Clément, il y aura Laure, il y aura Pauline, il y aura Ginger qui est sur les réseaux. En ce moment en direct peut-être, non, en Snapchat. En Snapchat, elle s'éclate, Ginger elle est sur ses filtres, on la laisse un petit peu dans son délire jusqu'à 9h. Toute la team du Virgin Tonic vous aide à mieux démarrer la journée. Vous rentrez peut-être tout juste de vacances, la valise est encore ouverte sur le lit, vous n'avez pas eu le temps de faire les machines, vous partez en stress au boulot. Parce que vous êtes forcément un petit peu à la bourre, pas de soucis, on vous accompagne sur Virgin Radio. Toute la team du Virgin Tonic qui arrive dans quelques et puis les infos de Tristan Sarah aussi, c'est juste après ça. MAF Assurance présente Parole de Pro. Bonjour, je suis votre conseiller MAF Pro. Je m'adresse à vous, les professionnels dont le véhicule est aussi l'outil de travail, pour vous rappeler qu'avec l'assurance Auto MAF Pro, vos biens embarqués à bord sont couverts en cas de vol de votre véhicule. Et si vous l'avez équipé avec des accessoires hors catalogue constructeur, ils pourront également être indemnisés en cas de sinistre garanti. C'est MAF Pro. Et c'est pour vous, les pros. Options contenu et personnalisation détaillées dans le contrat Auto Pro disponible en agence et sur MAF.fr. Tic-tac, tic-tac. Virgin Radio, il est 6h, on est le lundi 29 août, soyez tous les bienvenus en écoutant Virgin Tonic ce matin. Vous avez 10 fois plus de chances de pas faire tomber la tartine côté confiture et ça c'est cool. Énorme surprise à vous annoncer tout à l'heure à 6h30, à 7h30 avant ça c'est les news. Pop, rock. Et qu'est-ce qu'on est content de le retrouver pour les news partout en France sur Virgin Radio, c'est Tristan Sarah. Salut Tristan. Salut Robin, bonjour à tous. Un ciel mitigé pour débuter la semaine. On sent que c'est la rentrée des averses de la Nouvelle-Aquitaine au Grand Est en passant par les Hauts-de-France et la région parisienne. Alternance de nuages et d'éclaircies sur le reste du pays. Vous aurez 25 degrés en moyenne cet après-midi. Retour à l'air libre hier soir pour Cyprien Verseux à 26 ans. Ce Parisien vient de passer une année entière enfermé avec 5 autres scientifiques dans un petit dôme à Hawaï. Un an jour pour simuler la vie sur Mars. Des futurs premiers humains à poser le pied sur la planète rouge. Une mission envisagée à l'horizon 2030. J'ai pété un plomb et je m'en excuse. Déclaration du patron du resto Le Cénacle à Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis. Il est accusé d'avoir chassé 2 femmes voilées de son établissement samedi en leur tenant des propos islamophobes. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour discrimination raciale. Le restaurateur a dû quitter son domicile avec sa famille par sécurité. Les agriculteurs veulent faire plier Lactalis. Les syndicats agricoles ont annoncé une grosse mobilisation nationale dès aujourd'hui pour forcer le géant laitier à remonter ses prix d'achat. Des opérations en cours de préparation dans l'ensemble des régions. Un incendie hier soir dans le Cher. Le feu s'est déclaré sous une ligne à très haute tension, 400 000 volts. Le câble a été mis hors service pour l'intervention des pompiers. À l'étranger, l'entrée en vigueur du cessez-le-feu avec les FARC en Colombie. Une fin des hostilités définitive après 52 ans de lutte armée. Le président colombien appelle le peuple à dire oui à la paix lors d'un référendum le 2 octobre. Et puis avant de passer au sport, une excellente nouvelle pour Paris. Rome devrait jeter l'éponge dans la course au JO 2024. La capitale italienne pourrait renoncer dans la journée à l'organisation des Jeux pour raisons financières. Il n'y aurait donc plus que 3 villes en lice, Paris, Los Angeles et Budapest. Le vainqueur sera désigné en septembre 2017. En foot, la fin hier soir de la 3e journée de Ligue 1 et la victoire de Monaco 3 buts à 1 à domicile face au PSG. Les Monégasques en profitent pour prendre la 2e place du classement à égalité de points avec Guingamp. Paris est 5e. Par ailleurs, Bordeaux a battu Nantes 1-0. Match nul 0 partout pour Saint-Etienne, Toulouse. Il y avait aussi de la Formule 1 ce dimanche avec le Grand Prix de Belgique. Victoire de Nico Rosberg. À noter la très belle 3e place de Lewis Hamilton, parti de la dernière ligne sur la grille de départ. Le Britannique reste en tête du championnat, mais avec seulement 9 points d'avance sur Nico Rosberg. La prochaine course dimanche en Italie. Enfin, la cérémonie des MTV Video Music Awards en ce moment à Los Angeles. Le trophée de la vidéo de l'année est allé à Beyoncé. Rihanna doit, elle, recevoir un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière. Voilà pour l'actu. Tout de suite, Virgin Tonic saison 3 avec Camille Combal, Laure, Pauline, Ginger, Nico et Clément. C'est la rentrée. Bon réveil. On est lundi 29 août, je m'appelle Régis, j'habite à Nancy, et aujourd'hui, mon réveil a changé, aujourd'hui, mon été a changé, oui, Tristan Sarah est de retour, mais surtout, surtout Camille, Camille Combal, Clément, non, merci, bonjour à France. Bonjour, salut à tous, oh là là, Régis, Ouais. Je suis très heureux de t'entendre, mon Régis. Alors, Tristan Sarah, vous savez, on a des journalistes dans toute la France, et notamment Tristan Sarah, qui fait le flash à 6h, et donc les gens sont heureux de le retrouver, comme nous d'ailleurs. Oui. Mais oui. On est très, très, très heureux de le retrouver. On est toute une équipe, on est. Bah, tout le monde est de retour. Oui. Ok, il y a même des nouvelles têtes. Hein. On va débriefer sur cette nouvelle tête. Je vous le dis, Régis, je suis très heureux. T'as passé un bel été? Bah, franchement, j'ai passé un été énorme, mais mon réveil aujourd'hui, c'est le meilleur depuis fin juin. Ah, c'est fou, mais c'est sympa. On sait que c'est fou, mais ça fait plaisir d'en entendre quand même. Toute l'équipe est de retour. Vous allez retrouver pour cette troisième saison du Virgin Tonic, Laure qui est avec nous, bien sûr. Salut les amis. Et alors, Laure, elle est en tenue d'apparat. Là. Pour les premières et pour les dernières, Laure, elle met... Bah, j'ai tout misé. En même temps, j'ai tellement passé d'heures à bronzer, fallait bien le montrer, ce bronzage, à un moment donné. Ah ouais, ben on va en parler. Alors, vous avez tous. Vraiment, je vous le dis, comme d'hab, un peu, hein, équipe d'ingrats, il y a une personne que j'ai eue dans l'été, c'est Clément. Ouais. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est le seul qui m'a appelé. Quand il m'a appelé, il m'a dit: je t'appelle parce que je sais que sinon, le premier jour, tu vas râler. On s'est rien dit d'autre. On a dit: ouais, t'as bien fait. Ça va, mon Clément? Bah, très très bien, j'ai passé un été merveilleux. Ah ouais, t'as fait quoi? Bah, comme il faisait beau en France, je suis resté en Vendée. Tu vois, parce que d'habitude, vous partez, vous êtes bronzé. Moi, je suis en Vendée, je suis pas bronzé. Et là, il a fait beau partout. Ah, bon, bronzé. Pareil, bah, ouh. Ouais. Ouais. T'es rouge. Bah, non, mais par rapport à des parties de mon corps, oui. Ah, on veut pas savoir. On veut pas. Mais non, mais c'est là où on parle, le bronzage. Je sais, oui, mais dans ta bouche, tout est malsain. Ouais. Ça n'a pas changé. Pauline est là également avec nous, bien sûr. Ça va, ma popo? Coucou, tout le monde. On est ravis de te retrouver, Pauline. Et on est jusqu'au dernier moment. Elle était en vacances jusqu'à. Ouais, moi, j'ai tout donné dans les vacances. Ah, mais là, c'est dernière seconde. Là, elle a encore le baluchon et tout. Hein. Elle n'a pas arrêté. Nico du bureau est là aussi. Ça va, mon Nico? Ouais, super. Moi, j'ai passé des vacances parfaites avec ma fille une semaine sur deux. Donc, la fête, une semaine sur deux. Ah, oui, donc une semaine sur deux de vacances. Oui, en gros, c'est ça. Le respect idéal et le... ouais, tu fais tout ce que tu lui as dit qu'il fallait surtout pas faire. Exactement. C'est un peu le principe. Ginger est là aussi, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Elle vous attend en Facebook, oui. Twitter et même, alors l'été a fait son œuvre, même Snapchat pour bah oui, évidemment, bien sûr. Ah, on vous attend, hein, bien sûr, hashtag Virgin Tonic toute la matinée. Ah, sinon, et de retour avec le blouson de cuir. Et porter les culottes du moto. Oh là là, elle est venue pour casser des pifs, hein, je vous le dis. Elle a repris une année, c'est pour casser des gueules, hein, Ginger. Je vous dis, hein. Et que les autres équipes radio viennent pas nous chercher la bagarre, je peux vous dire, elle vous attend sur le parking du Auchan et vous répond, Ginger. Oh, donc, elle a le cadenas de la bécane et tout, là. Jobartim, Jobartim. Un seul numéro pour nous joindre, vous le savez, 3916. Le 3916, ça n'a pas changé, on est encore en 2016. 2016, c'est l'année du 3916. On est mal pour 2017. On va trouver. Eh ben, alors, ben, faire 3917, ça va être compliqué. On va essayer de trouver une. On va trouver un truc. 3916, c'est le numéro pour nous joindre, je le disais. Les réseaux, bien sûr, et le 3916. Inscrivez-vous, jouez avec nous, puisque ce matin, encore des cadeaux magnifiques. Pour cette reprise, je veux vous dire, on vous offre des packs Tans avec l'iPad mini pour la rentrée. Classe. Et bien sûr, à cette heure-ci, là, chez plein de gens qui ont repris le travail, peut-être même depuis quelques semaines. On est très, très, très heureux de vous retrouver et on va vous couvrir de cadeaux. Dès 6h, là, dès entre 6 et 7, déjà, on aura des beaux cadeaux de l'iPad mini. On a aussi des chèques de 2000 euros à dépenser chez But. Oh, et But, c'est aussi bien des télés que des canapés, j'ai vu. Choisissez bien. Choisissez But. Oh là là, But. Non mais franchement, je trouve que c'est un cadeau magnifique. 2000 euros, c'est énormément d'argent. Vous pouvez refaire une cuisine. Vous pouvez, peut-être que vous avez des enfants qui deviennent étudiants. Vous êtes vous-même étudiant. Vous pouvez meubler tout votre appart, Pauline. Moi, 2000 euros, je refais mon appart. Ah, oui. Là, tu refais tout. Non mais en vrai, 2000 euros. Oui, 2000 euros, je refais énorme. Tout. C'est énormément d'argent. Ah, oui. Vous avez un peu trop claqué pendant l'été. Et puis alors, si vous aimez les concerts, vous aimez les concerts? Ah, ouais. Régis, t'aimes les concerts? Moi, j'adore les concerts. Et tu pourras applaudir Tristan Sarah, mon frère. Il va faire ses infos en direct. En direct. On the block. Ah ouais, en direct du théâtre des Deux Ânes, ça va être quelque chose. Non. Tu aimes ça? Justin Bieber. Alors, Justin Bieber, cette semaine, voilà, tous les matins, on va vous offrir un concert pop rock électro, celui de votre choix, avec le voyage. Justin Bieber, par exemple, c'est à Paris. Il vient à Paris. Voilà, vous gagnerez votre séjour, tout frais payé. Vous viendrez avec la personne de votre choix. Régis, ce serait qui la personne de ton choix? Moi, ce serait ma femme. Ok, bah Tristan va être déçu. Oui. Et bah, tu viendras avec ta femme peut-être à Paris applaudir Justin Bieber. On aura aussi les Red Hot Chili Peppers qu'on va vous offrir. Well, DJ Snake. Vous aimez DJ Snake? DJ Snake, non seulement vous allez assister à son live, mais en plus vous partirez à Chicago pour l'applaudir avec la personne de votre choix. Pareil, du soleil, c'est à Ibiza qu'on vous amènera à applaudir The Avenger. Et puis alors là, avec Tristan Sarah, vous avez très raison. Et alors, si vraiment, je sais que vous l'adorez tous, vous rêvez de voir Adèle en concert, eh bien sachez que Adèle, on vous offre des places pour un concert qui est déjà complet. Deux places à gagner en exclu dans le Virgin Tonic. Et en plus, ce concert, il a lieu à New York. On vous offre vos places pour New York. Vous partez avec la personne de votre choix. Tout frais payé. C'est pas mal ça, Régis? Ah non, mais c'est pas mal, c'est énorme, tu veux dire. Mais alors, imagine-toi, là, en train de danser un slow avec notre journaliste Tristan Sarah, là. Attention, il a les mains baladeuses. Oh là là. Les amis, je suis comme un dingue de vous faire ces beaux cadeaux et puis surtout, une énorme surprise. À quelle heure, Clément? 7h30, normalement, mais comme tu sais pas tenir un secret, je pense qu'on peut essayer de l'avoir à 7h. 7h. Allez. Une énorme surprise. À 7h30, soyez avec nous, ne ratez pas. On va vous faire découvrir un truc de dingue, énorme surprise qui arrive dans l'émission pour cette rentrée. Régis, je t'embrasse très très fort, mon bichon. Mais moi, je vais juste vous dire un truc, vous m'avez tellement manqué que je déconnais pas tout à l'heure quand je dis que c'était un meilleur réveil, parce que franchement, vous mettez la pêche le réveil. Regarde, moi je travaille normalement à 8h, à 6h je suis là avec vous, et merci d'être là. Eh ben, ça nous fait plaisir, merci de ta fidélité et merci à tous les gens là qui se réveillent maintenant avec nous, peut-être pour la première fois, peut-être depuis 2 ans. En tout cas, nous on est très très très heureux de vous retrouver, très heureux de démarrer cette nouvelle saison 3. Ouais. On devrait faire des Previously on Virgin. Les gars, on est comme des dingues. On est là jusqu'à 9h, jusqu'à plus soif. Et puis toute l'année à vos côtés. Bon courage, c'est parti. On démarre cette année avec Mike Posner. I took a pill in Seat Ibiza. Bon réveil. Hey, this is Mike Posner and you're listening to Virgin Radio. I took a pill in Ibiza. To show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But fuck it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller. Cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Sad soul, sad soul. Darling, all I know are sad souls, sad souls. Shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me. Never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. You don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. All I know are sad songs. Sad songs. Ex excellent réveil à vous tous, c'est le Virgin Tonic, et on parle pendant les 10, mais aussi, eh oui, on est en train de se caler, Laure a eu un accident de thermos. Voilà, j'ai renversé mon thermos dans mon sac, bonne rentrée à vous. Ça c'est des trucs de rentrée. Ah ouais, c'est ça c'est des trucs, c'est insupportable, vrai délire de rentrée. Les copains, alors j'ai même pas eu le temps de vous demander où est-ce que vous étiez partis, parce que j'ai même pas non plus eu le temps de vous rappeler, vous tous qui nous écoutez, ça ne change pas, hein. Vous avez toujours rendez-vous avec le loyer, c'est à 6h20, on est les seuls à vous faire ce très beau cadeau, loyer au 7-12-13, l'inscription se passe par SMS et à 6h20 pile on prendra notre premier gagnant de la saison, on lui paiera son loyer, en tout cas on lui fait un chèque, après vous faites ce que vous voulez du chèque, vous le dépensez comme vous voulez. Clément, moi j'ai découvert en juillet l'Ardèche, c'est incroyable, et en août j'ai découvert la Dèche, c'est là que j'ai je suis resté en Vendée, mais je connaissais pas ce endroit là et c'est magnifique, c'est très vert et vallonné, c'est joli, c'est rafting, canyoning et tout. Ah. Moi tu vois mon corps, c'était plutôt au bord de la rivière en essayant de rentrer dans l'eau froide. Et maman, il y a rafting dans l'eau, donc c'est Clément. Non. Mais ce qui est sympa, c'est, tu sais, quand t'as pas de canoë, le canyoning, je crois que ça s'appelle, oui, quand tu descends avec ton corps. Sauf que mon corps, il descend jusque dans les Bouches-du-Rhône. C'est quand même génial parce que on te met en haut d'une rivière, faut que t'arrives en bas dans une rivière, c'est-à-dire c'est gratuit, c'est toi avec ton corps, ils ont donné un nom pour faire payant. C'est-à-dire tu payes pour ça maintenant. Non, ça, on va appeler ça du canyoning. C'est quoi, c'est moi qui me jette. Non, pardon, tu payes le guide et le guide, il est impératif. Excusez-moi, j'ai vanné le canyoning apparemment. Apparemment, on peut vanner la fille, son mec, alors, mais pas le canyoning. Don't touch canyoning. Touche pas à mon canyoning, s'il te plaît, ok. Je suis canyoning. Ok, c'est bon. Je suis du canyoning, non, j'ai pas envie de te perdre. Ok, pas de souci. Ok, donc si vous n'aimez pas le canyoning, changez de radio. Sur une radio de canyoning, et spécialement sur les monos de canyoning. Restez avec nous sur Virgin Radio dans un instant. C'est Charlie Pousse qui va arriver pour le pop rock électro. On écoute plus les musiques avant? Bah non, on écoute tout de suite. Ah, on écoute tout de suite, autant pour moi. Faut que je me refasse un petit peu. Oui. À tout ce micmac, bien sûr. Oui, Clément. Tu vois, c'est comme le canyoning. Ils font un guide. C'est vrai, bon réveil à tous. Hey, this is Charlie Puth on Virgin Tonic. We don't talk anymore. Virgin. Tonic. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would've known that wasn't me. Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know the kind of dress you're wearing tonight, if you're holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. C'est bien ça, ouais, tiens les pouces sur Virgin Radio, le pop rock électro que vous aimez. Oui, le Virgin Tonic est de retour, ça y est, c'est parti. Saison 3, ça a été lancé depuis 17 minutes maintenant. On est là, à vos côtés, jusqu'à 9h. Courage à vous tous. Vous avez peut-être repris le travail depuis quelques semaines. Plein de gens n'ont pas eu de vacances aussi. Hein. Oui. On va un peu se raconter les notes, les vôtres. 39-16 pour nous joindre. Et loyer au 7-12-13, ça, c'est pour vous inscrire pour le loyer tirage au sort. En quelques minutes à peine, bougez pas, vous avez fait le bon choix. C'est sur Virgin Radio que ça se passe le matin. MAF Assurance présente Parole de Pro. Bonjour, je suis votre conseiller MAF Pro. Je suis chargé de dire à tous ceux qui ont un véhicule professionnel équipé d'aménagements spécifiques comme un bras de levage d'une benne, une cellule frigo ou un hayon, qu'en cas de dommages matériels subis lors de leur utilisation, avec l'assurance AutoMAF Pro, ils peuvent être indemnisés en fonction du capital souscrit. Ça, c'est du spécial pro très pro. C'est MAF Pro. Et c'est pour vous, les pros. Option bris interne aménagement pro, détaillé dans le contrat AutoPro disponible en agence et sur MAF.fr. Antoine Griezmann et Fabien Galthié. Alors Antoine, cette reprise, pas trop fatigué? Tu rigoles, une rentrée des clubs comme ça, fatigué ou pas, on se sent pousser des ailes. Ah, c'est beau la jeunesse. Jusqu'au 25 septembre chez Sport 2000, les crampons de foot Nike Magista Junior sont à moins 37%, soit 24,95€. Sport 2000, ça match. Conditions sur sport2000.fr. Dans moins de 2 minutes, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Il y a un ciel entre nuages et éclaircies en ce début de semaine. Un peu de soleil sur la côte atlantique, la vallée du Rhône et le sud-est. Des averses de la Nouvelle-Aquitaine au Grand Est via l'île de France. On va enfin respirer un petit peu. Les températures plus agréables, 19 degrés cet après-midi à Deauville. Vous aurez 22 à Biarritz, 23 à Chantilly, 24 degrés à Paris, Colmar et Bordeaux, 26 à Strasbourg, Chambéry et Nice, 27 degrés à Lyon et à Perpignan, 28 en Corse, 29 pour Marseille, la maximale 33 du côté de Nîmes et de Montpellier. Très bon réveil. Virgin Radio. Virgin Radio. Amir au 88 000. Amir nous enchante avec son tube J'ai cherché. Envoyez Amir AMIR au 88 000. Accédez au catalogue et téléchargez le nouveau titre de la star montante de la pop française en sonnerie. Amir au 88 000. Abonnement 3€ par semaine DGP. Bonjour, c'est Christophe Beaugrand. Je vous donne rendez-vous pour fêter avec moi la 10e saison de Secret Story. Et la voix vous a réservé des surprises gigantesques. Mais je n'ai pas le droit de vous en dire plus. C'est tout pour le moment. Secret Story, présenté par Christophe Beaugrand, du lundi au vendredi dès 18h40, en direct sur NT1. Vous êtes citadine, il est campagnard. Vous aimez la fête, il est pantouflard. Match au 73-200, votre couple est-il solide? Pourriez-vous faire avec vos différences? Match MATCH au 73-200. Nos experts vous disent si vous êtes vraiment compatible. Envoyez match au 73-200. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'au pass. Virgin Radio Classics. La web radio 100% classiques. Radio Classics. L'une des nombreuses web radios à retrouver sur l'appli sur virginradio.fr. Tout de suite, Camille paye votre loyer sur Virgin Radio. Bon réveil à vous tous, 6h21, déjà une minute de retard. Et oui, c'est ce que nous a dit Fanny. Les amis, on est très heureux de vous retrouver. C'est la rentrée du Virgin Tonic. Laure, Clément. Bonjour. La popo coucou. Du standard est là aussi, bien sûr. 39-16, son coucou est de retour. Les amis, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Ceux qui n'ont pas eu la chance de partir, on est très, très, très heureux aussi de vous retrouver. 6h, 9h chaque matin et 6h20 chaque jour. On paye votre loyer. Le principe est simple, un SMS, loyer au 7-12-13, vous vous inscrivez, on vous rappelle, on vous pose une question, vous répondez Virgin Radio, et c'est directement gagné pour vous. Nous, on fait un chèque du montant de votre loyer, après vous en faites ce que vous voulez. Et oui, comme et bon oui. vous semble. Comme bon vous semble, bien vous m'avez invité Laure à dîner. Eh ben n'hésitez pas. N'hésitez pas, si vous m'invitez Clément à dîner, vous serez ric-rac. Vous pouvez essayer Clément. Ça m'a tellement manqué le loyer que cet été, j'ai arrêté des gens dans la rue, je leur ai filé du cash directement. Non mais j'attendais avec impatience. Et à chaque fois, chaque saison, le premier loyer, il est gagnant. Non mais vous rendez compte quand même, c'est le premier loyer de la saison. Ouais, c'est fou. Énorme. C'est dingue. Les amis, on y va. C'est parti parmi tous les SMS déjà reçus. Loyer au 7-12-13. Une seule personne a été retenue. On y va, c'est parti. Ça Bonne sonne. Chance à vous tous. Ça sonne. Allô. Allô, bonjour. Oui. Bonjour, qui est là? C'est Siam. Sia, ça va bien? Bah écoute, oui. Alors, pourquoi t'es déjà réveillée à 6h22? Bah parce que c'est la reprise et que franchement, j'ai pas dormi de la nuit et que c'est dur. Faut reprendre le rythme un peu. Hein. C'est dur de s'endormir. Ouais, la alors veille. On est angoissé et tout, donc c'est. Bah surtout, voilà. On a pris le rythme série jusqu'à 4h du mat', plus que l'angoisse, ça devient très dur. Mais c'est clair, malheur, oh là là, j'ai les cernes et tout, c'est un truc de fou. Bah écoute, nous on connaît ça. Siam, ma chérie. Oui. Bravo pour Chandelier déjà, parce qu'on a bien aimé le morceau, Siam. Moi j'ai bien aimé. Franchement, c'est. Non, vraiment, t'as bien cartonné, vraiment, belle année à toi. Jolie coiffure aussi. Siam, ma chérie, quelle est la seule radio en France, dans le monde entier, qui paye chaque matin à 6h20, 7h20 et à 8h20 ton loyer? C'est Virgin Radio. Bravo, bravo ma chérie, félicitations, voilà, ça suffit. Un SMS, tu me réponds Virgin Radio et ton loyer est directement payé. Il est de combien ma belle? Il est 620 euros, il n'est pas trop énorme. Bah écoute, on est ravis en tout cas, on te fait le chèque, t'es la première gagnante de l'année hein. Mais c'est, oh là là, c'est génial. Mais franchement, c'est un truc de dingue. Alors ma belle, fais quoi dans la vie? Je travaille en crèche. D'accord, ok. Donc on peut parler d'une puéricultrice? Non, du tout, je suis agente de crèche, agent polyvalent. J'aurais tellement aimé passer puéricultrice, et c'est pour ça que t'es Clément. Toi qui travailles en crèche, tu vas peut-être pouvoir nous renseigner, ils sont sympas les rois mages. Moi j'aime bien. Siam, ma belle, je t'embrasse très très fort. Félicitations, ton loyer gagné, tous les autres. N'hésitez pas à vous réinscrire. Loyer au 7-12-13, il reste deux tirages, 7h20 et 8h20. Des bisous, ma belle. Bisous, bonne journée. Bisous à toi. Et c'est parti, donc 620 euros déjà dans la cagnotte. Nouvelle saison, ce sera comme ça tous les matins à 6h20. Et Calvin Harris tout de suite. This is what you came for. Wow. Je suis pas parti en Angleterre. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas à Londres cet été. Bon réveil à tous. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Merci de nous avoir choisi les amis, ça y est, on est de retour, le Virgin Tonic, 6h-9h chaque matin. Virgin Tonic. avec toute l'équipe qui est là, bien sûr. Oui, oui. Je reconnais Laure. Bonjour. Alors, vous allez bien? Oui, j'ai rajeuni, non? Bah, t'as bronzé surtout. C'est faut laisser un peu de soleil aux autres. Ouais. Hein. C'est un moment donné, faut que nous aussi on puisse en bénéficier. C'est incroyable, Clément. Salut. La popo du standard, bien sûr, on est tous de retour. J'espère que ça va bien pour vous. Énorme surprise qu'on vous révèle ce matin à 7h30, en exclu dans le Virgin Tonic, parce que les autres vont pas révéler notre surprise, ce serait un peu bizarre. On sait jamais. On sait jamais. En tout cas, à 7h30, voilà, on va vous annoncer quelque chose de complètement dingue. Alors, on parlait un petit peu quand même des vacances, hein. Pas tout le monde a eu la chance de partir. Alors, je sais, donc Clément, t'es parti en Ardèche? Je suis parti un peu partout, en fait, d'hôtel en hôtel avec Booking, j'ai trouvé des trucs pas chers. J'ai fait un tour de France, pas à vélo, en voiture. Ça se verrait physiquement, ouais, sinon. Ça se voit que non. Et puis après, je suis resté en Vendée. Et évidemment, alors, plus beau département du monde où il y a les 4 saisons en une journée. Il y a eu de la neige, vraiment, il y a eu de la neige. On a eu un peu de. Non, il a fait très beau. Bah, vous restez très beau. Laure, donc toi, Corse, comme d'hab. Comme d'hab, on change pas les bonnes habitudes. Avec Juju et ta fille? Et première vacances avec ses enfants. Donc première vacances en famille recomposée, en famille nombreuse du coup. Ah ouais. Avec 5. 5? Ah bah ouais. Ah mais c'est la maison qu'il faut recomposer. Ah ouais. La maison, ça devait être un champ de bataille. Ouais, c'était assez rock'n'roll, on va dire. Mais bon, en même temps, ça s'est hyper bien passé. C'était improbable. Ils se connaissent pas bien. Tout le monde s'est bien entendu. J'adore cette expression. C'est assez rock'n'roll, quoi. C'est comment, c'est assez rock'n'roll? Genre, tu rentres dans une chambre, il y a des gars en train de jouer de la guitare. Ça va, toi? Ouais, ça va. Donc, rock'n'roll, quoi. T'as fait quoi, toi, ma popo? Moi, j'ai passé l'été à Bordeaux. J'ai fait amis et famille. J'ai squatté un peu partout, quoi. T'as squatté, t'as pas pris d'hôtel, des trucs à toi? Non, famille, amis, et j'ai une petite nouvelle à vous annoncer. Ah. T'es enceinte? Non. T'es enceinte? T'as rencontré une femme? Non, un homme. Oh mince, ça arrive jamais. Ah, t'as rencontré un mec? Oui. Non mais en vrai? Bah oui, ça va, ça vous surprend autant. C'est vexant. Non mais en vrai, t'as rencontré un mec? Mais oui. Mais attendez, on est pas au courant de rien, t'es au courant là? Un petit peu. Oh, attendez, t'es au courant? Moi, elle m'a rien dit, mais j'ai senti le coup venir. Non seulement parce que j'étais le seul pas au courant. Non mais en vrai, t'as un mec? Bah oui, j'ai un mec. On a le droit de dire le prénom? Déjà comme ça? Bah. Ok, d'accord, parce que bon. Oh là là. William. Non, en vrai. Non mais arrêtez, William. Non mais en vrai. Non mais vous allez pas le vanner tout de suite. Si. William, il habite où? Il habite à Bordeaux, mais il va sûrement venir à Paris. William de Bordeaux? Oui. Mais il est à Paris pour toi? Bah ouais, c'est l'amour, quoi. Mais ça fait l'amour, ça fait un mois. Bah oui, ça s'appelle le coup de foudre. Attention, Christophe, hyper chanté. C'est un amour de vacances, une histoire sans lendemain. Je savais que t'allais me prévenir. Clément, c'est pas le prénom qu'il faut que tu demandes, c'est l'âge. Ah ouais. Non, franchement, c'est pas sympa. Mais il est jeune. Quel âge il a? Il a 36 Attends. Ans. Il a 36 ans? Bah oui, ça va. Bah c'est hyper jeune. Ouais. C'est quoi ton âge? 28. Il a 10 ans plus que toi? Quasi, ouais. Mais ça va pas ou quoi? Mais il les fait pas. Laure? Bah quoi, mais c'est hyper jeune. Non mais c'est 36, bah je vais avoir 35, donc je vais vous confirmer qu'on a encore de beaux restes. Hein. Faut pas nous foutre à la retraite si vite, hein, les gars. On en a encore sous le pied. Non mais à 28 ans, t'es un peu jeune. Mais non, mais il est super, il est génial, j'avais besoin de ça. Est-ce qu'il a les cheveux un peu grisonnants sur les tempes? J'en ai vu 2-3. Aïe. William de Bordeaux. Si tu m'écoutes, quitte Nostalgie. Rejoins-nous. Qu'est-ce qu'on écoute? William de Bordeaux, vous écoutez une radio chiante. Oui, Clément. Je lui ai déjà trouvé un surnom si tu veux tout savoir. C'est quoi? William la Cougar. Non, s'il vous plaît. Ça va. J'aime bien. Si tu es William la Cougar, que tu nous entends, compose le 3916. Vous tous aussi, les amis, n'hésitez pas à nous appeler. Non, mais c'est fou ça. Ça vous choque que je sois amoureuse en fait? C'est incroyable. J'arrive ce matin, on ne me dit rien, et à 6h30, j'apprends que Pauline sort avec Monsieur Burns des Simpsons. lâchez les chiens, Smithers. C'est pas possible, les amis, restez avec nous. 6h31, j'espère que tout va bien pour vous. On fait un point sur l'actu, bien sûr. C'est toutes les demi-heures dans le Virgin Tonic avec plus de 60 journalistes qui se réveillent à vos côtés chaque matin. Et le son, vous aimez le son de DJ Snake, Let Me Love You. Voilà ce qui arrive dans un instant. Excellent réveil à tous. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, on va enfin respirer un peu mieux. À peine 25 degrés en moyenne cet après-midi sous l'effet d'un ciel plus couvert. Des averses de la Nouvelle-Aquitaine au Grand Est via l'Île-de-France. Un mélange de nuages et d'éclaircies de la pointe bretonne au rivage de la Corse. Mobilisation des producteurs de lait ce lundi dans tout le pays. Les agriculteurs veulent mettre la pression sur Lactalis. Ils promettent de mener des opérations dès aujourd'hui dans l'ensemble des régions. Objectif, forcer le géant laitier à remonter au plus vite ses prix d'achat. Un restaurateur de Seine-Saint-Denis accusé d'islamophobie. Il est mis en cause pour avoir chassé deux femmes musulmanes voilées samedi de son établissement. Le Cénacle a tremblé en France. Il a fait un amalgame entre musulmans et terroristes. Le restaurateur a ensuite présenté ses excuses. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête. Cyprien Verseux a retrouvé l'air libre. Le jeune scientifique de 26 ans vient de passer un an avec 5 collègues enfermés dans un dôme à Hawaï. Une année sous cloche pour simuler la présence humaine sur Mars. Tout s'est bien passé pour le Français, pour qui les moments les plus éprouvants ont été d'apprendre les attentats du 13 novembre sans pouvoir joindre sa famille rapidement. Cessez le feu définitif dès aujourd'hui avec les FARC en Colombie. Le chef des guerrieros a ordonné la fin des hostilités après 52 ans de lutte armée. Le président Juan Manuel Santos invite maintenant les Colombiens à dire oui à la paix lors du référendum du 2 octobre. Et puis un ouragan sous surveillance dans l'Atlantique Nord. Il s'appelle Gaston et il vient d'être classé en catégorie 3. Des vents soufflant jusqu'à 195 km/h en rafale. Il ne menace aucune terre pour l'instant. Gaston est situé actuellement à 900 km des Bermudes. L'actu musique, les MTV Video Music Awards à Los Angeles. Beyoncé, grande gagnante de la soirée, elle a remporté le prix principal pour Formation et une autre récompense pour Hold Up. Celle qui partait favorite avec 11 nominations a enflammé le Madison Square Garden. Elle a dédié son prix aux gens de la Nouvelle-Orléans. Calvin Harris a lui reçu le Video Music Awards de la meilleure vidéo d'artiste masculin pour This Is What You Came For, titre interprété par Rihanna qui, elle, a reçu un trophée pour l'ensemble de sa carrière. En foot, Guingamp, Monaco, Nice, voilà le trio de tête au lendemain de la troisième journée de Ligue 1. Monaco qui s'est imposé 3-1 hier soir face au PSG. Paris qui pointe à la cinquième place ce matin. Saint-Etienne et Toulouse ont fait match nul 0 partout. Enfin, Bordeaux a battu Nantes 1-0. L'incroyable remontée de Lewis Hamilton hier sur le circuit de Spa-Francorchamps. Parti de la dernière ligne, le Britannique a terminé à la troisième place du Grand Prix de Belgique. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est le retour de Virgin Tonic avec Camille Combal. Bon réveil. Excellent réveil à vous tous. Bienvenue dans le Virgin Tonic. J'adore notre nouveau jingle. Ouais, ouais, il est trop bien. J'adore trop parce que depuis le temps qu'on aimait, on voulait faire comme dans Friends ou Beverly Hills. Oui. Un petit coup. J'adore le clapement. Je suis content pour ça. Pour se réveiller sur Virgin Radio. Mais sinon, n'hésitez pas, faites-le aussi les amis, on est de retour, c'est parti. Saison 3 du Virgin Tonic, on est avec vous chaque matin. 6h, 9h, Laure est ici. Oui. Clément aussi. Bonjour. Le Pauline aussi. Oui. Ça va Pauline? Pardon. Ah, on a appris, ça y est. Ah, ça y est, je sais qu'il y a plein d'auditeurs qui aimaient beaucoup Pauline. Là, ça y est, elle est en couple. Hein. Ouais, ouais. Elle a trouvé quelqu'un, mais alors très âgé. Ouais, je comprends maintenant. C'était William. William de Bordeaux, on l'embrasse. Oui, ancien, comme on l'appelle. Oui, nous la science. William Shakespeare. William Shakespeare, bien sûr, c'est Willy Sagnol. Bien sûr, c'est rentré dans nous. Et non, Willy, Willouf, le Willou de Bordeaux. Bah écoutez, c'est le nouveau copain de Pauline. On n'a pas fini d'en parler de ça. Ouais. Oh là là là là là là. On n'a pas fini, je te jure, ça va durer. Ah bah non, bah là, on n'a pas fini d'en parler. On va faire plein de trucs. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vois ton œil malicieux. 10 ans d'écart, c'est beaucoup quand même. Clément. On va faire une émission spéciale dans sa maison de retraite et tout ça. Ah, ça sera génial. Mais c'est super bien. Allez, tu sais quoi, William, je t'aime déjà, je t'envoie ton poids en polydent. Polydent. Les dents qui tiennent, c'est important. Nico du bureau. Après 25 ans, il paraît qu'il faut diviser par deux quand il y a la différence d'âge. C'est-à-dire qu'avant 25 ans, effectivement, 10 ans, c'est difficile. Ça, c'est un mec qui a bientôt 40 ans qui parle. Exactement. Passer 30 piges, là, faut diviser par deux les âges, ça veut rien dire, Laure. Attends, mais moi, mes parents, ils ont 10 ans d'écart, ils sont restés mariés 25 ans, ça marchait très bien. Je trouve que c'est l'écart parfait. Et ils sont comment, là, leur statut actuellement? Et actuellement, ils ne se parlent plus. Divorcé avec aucun rapport, hein. Merci. Et ils se sont aimés, quoi. Voilà. C'est, mais... Quand je connais un peu l'or, je savais que c'était pas trop de service. Les copains, 39-16, n'hésitez pas, on va jouer avec vous. Oui, vous qui êtes déjà réveillés, qui êtes tout juste en train d'ouvrir les yeux, on vous offre déjà vos places de concert tout frais payés pour venir applaudir les Red Hot à Paris dans un instant. Mais pour le moment, lundi 29 août, il est 6h37, vous avez rendez-vous avec le Réponse à tout. Réponse à tout. Parce qu'on a répondu. Eh oui, on n'allait pas s'arrêter avec ça, je vous dis, on adore. Les enfants ont toujours réponse à tout. Quoi qu'on leur demande, ils sont jamais piégés. Ils ont toujours de la répartie. Clément l'a bien compris, les interroge chaque matin. Et ce matin, je leur ai tout simplement demandé, c'est quoi ton plus grand rêve? C'est quoi vos plus grands rêves dans la vie? Le truc que tu rêverais de faire. Alors toi, c'est quoi? D'être tout le temps au parc d'attractions et d'être tout le temps avec tous les plus grands, mes plus grands fans du monde, comme Camille, Cyril, Black M, Kenji. Moi, mon plus grand rêve, c'est être avec mes fans. Et mon deuxième plus grand rêve, c'est quand je serai plus grande, d'être violoncelliste. Ça, c'est classe. C'est Camille Combal est un enfant, l'épouserait. T'aimerais te marier avec lui? Oui. Pourquoi? Ah, parce que j'y est trop gentil, il est trop mignon. Ben là, t'es sûr, mais il fait beaucoup de bêtises. Ouais. Mais tu lui demanderais comment? Je sais pas, c'est lui, j'attendrai qu'il vienne. Il viendra pas comme ça, mais c'est pas le Père Noël pour te signaler. Oui, mais bon, quand même. Réponse à tout. Il faut te signaler. On m'a jamais demandé en mariage. Ma chérie, quand tu veux. Tu sais quoi, ce sera ma première demande en mariage. À l'âge autorisé, oui. Quand même, bien sûr. 6h38, les amis, dans une heure, nouveau réponse à tout avec de nouvelles questions et de nouvelles réponses. Mais tout de suite, c'est DJ Snake, Let Me Love You. Vous êtes sur Virgin Radio, on est en direct. C'est un kiff, c'est notre prise. C'est reparti pour une troisième année, tous ensemble, chaque matin. This is Justin Bieber. Hey, c'est DJ Snake. Burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Virgin Radio déplace pour l'applaudir à Chicago. C'est à gagner cette semaine. On vous offre tour du monde de pop rock électro dans le Virgin Tonic pour fêter notre retour à vos côtés. Et justement, premier gagnant, ça va être tout de suite. Là, c'est pour les Red Hot Chili Peppers. Et pour ça, on joue au tube de l'été game. Virgin Tonic. Tube de l'été, tube de l'été, tube de l'été game. Tube de l'été game. Vous êtes très très nombreux à vous inscrire. Je le rappelle, ce tour du monde du pop rock électro dans la même semaine, hein, là tous les matins, on vous offrira les Red Hot, Justin Bieber, DJ Snake, The Avener, Adele. Vous partirez à Chicago, à Ibiza, à New York. Là, c'est pour les Red Hot Chili Peppers. Yeah. Et alors, c'est déjà un beau voyage. C'est à Paris. Ouais, c'est parce qu'ils se produisent à Paris, voilà. Donc, on vous paye évidemment le séjour, tout frais payé. Venez à Paris, la capitale, bien sûr. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Évidemment. Le Moulin Rouge. Le Moulin Rouge, Clément Lincrus. Hey, yeah. Évidemment. Parmi les monuments les plus visités de Paris. Et c'est au 3916, Marie qui a été tirée au sort. Bonjour Marie. Bonjour Virgin. Bonjour Camille. Bonjour toute l'équipe. Salut. On est ravis de t'entendre, ma belle. Tu viens d'où? Ah, je viens de Corse. Très bien. Ah ben, Laure, on revient tout juste. Hein. Oui. Ah, mais... ses cheveux sont encore le figatel. Et le brooch. Eh ben exactement. Le brooch, c'est moins sympa. Mais c'est ça. Ma petite Marie, ma chérie, c'est parti. Tube de l'été game. Le principe est très simple. Des morceaux connus, repris, version tube de l'été, version un petit peu ça danse, ça danse. Tu devras reconnaître l'interprète original, d'accord? D'accord. Je te souhaite bonne chance. On est à fond. De bonnes réponses, tu pourras partir applaudir à Paris, tout frais payé, les Red Hot. C'est parti, premier extrait. C'est parti. Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? L'idée, au début de janvier, si j'ai bien su le compter, est-ce que de fête ou bien veut très appuyé? Allez, au creux de nos mers, qu'il fait bon mûrir, et puis j'ai vu de la lumière. Alors je suis sorti et j'ai dit, qu'est-ce qu'elle est bonne idée, qu'est-ce qu'elle est bonne idée, qu'est-ce qu'elle est bonne idée, comme Johnny a l'idée. Si vous êtes des fidèles de l'émission, vous avez bien vu que Nico Bou, le musicien de l'équipe, a également fait son retour. Et il a décidé cette année d'être plus ringard que jamais. C'est magnifique. Ouais, il était ringard, mais cette année il prend la ringardise, il la met au top. Un peu plus incisif, la ringardise. Tu vois ce que je veux dire? Marie, ma chérie, est-ce que t'as reconnu l'interprète original? Non, je cherche, je ne trouve pas. Mais c'est pas possible. Ah. Je sais, je suis nulle. Oh là là là là, c'était ça. Je sais que c'est français. Parfum de la pluie, chaque jour un nouveau réveil. Qu'est-ce qu'il chante là? Oui. Jean-Jacques. Jean-Jacques Goldman, ma chérie. Oh mince. Ouh là là. Alors écoute, c'est pas grave. Tu sais quoi? On y va pour un deuxième extrait. On joue tout là-dessus. Bon. Deuxième extrait. Là, c'est le kit ou double. On n'a pas envie de perdre. C'est le premier jour, c'est la rentrée. On n'a pas envie de vous faire perdre. Deuxième extrait du tube de l'été game. Tous jouent là, Marie. Sois attentif, c'est parti. On y va. Attention, tape dans les mains. Steady the light. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que tu as reconnu ce coup-ci? C'était facile. Hein. C'est les Red Hot. J'ai cru que t'allais me dire j'ai pas reconnu. Je me suis dit ah là ça va être compliqué puisque tu grâce à ta bonne réponse tu vas pouvoir aller les applaudir en concert, ma chérie. On peut t'applaudir très fort. C'est cadeau. Oui, le 15 octobre prochain à l'Accor Hotel Arena à Paris, hôtel transport compris, tu seras au concert donc des Red Hot. J'ai eu la chance de les voir une fois. C'est complètement énorme. C'est dingue. Franchement, c'est complètement dingue. Eh ben, je suis très heureux, Marie. Tu viendras avec la personne de ton choix, d'accord? Oh, je suis ravie, merci beaucoup. Vous êtes au top, je suis trop contente. C'est la rentrée, il était temps que vous reveniez. Je suis ravie. C'est un ange, merci ma chérie. Merci à tous d'être à nouveau présents au rendez-vous. Voilà, on a plein de nouvelles personnes qui nous écoutent et des gens qui nous suivent depuis maintenant 2 ans. C'est reparti, saison 3 du Virgin Tonic. Chaque matin, 6h, 9h, avec toute l'équipe, bien sûr. Oui, oui. On a encore des iPad mini à vous offrir. On a des chèques de 2000 euros à dépenser comme vous voulez. Restez avec nous, ça se passe jusqu'à 9h. Et tout de suite, c'est Bruno Mars. Locked Out of Heaven sur Virgin Radio. Excellent réveil à tous. Qu'on aime et encore plein de morceaux qu'on va découvrir avec vous chaque matin cette année. Mais alors celui-là, c'est notre morceau, c'est le morceau du Virgin Tonic. J'espère que tout va bien pour vous, vous qui êtes en train encore d'ouvrir les yeux. Je sais que plein de gens sont aussi, ça y est, déjà en voiture, dans les transports, pour partir bosser. Pour les autres, c'est au petit-déj. En tous les cas, on est à vos côtés 6h, 9h chaque matin avec toute l'équipe qui est de retour. Oui. Bronzé encore pendant 5 jours. Dans 5 jours, profitez-en. Allez voir les photos. On est sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat, sur Instagram, sur Adopt a Mec, c'est plus Clément. N'hésitez pas à aller vous voir également. Et alors, il y a la Popo. Oui. On est tous ensemble. On a appris que Popo sortait avec un ancien, un poilu. Ouais. Ça, ça va être le truc. Et si jamais vous, eh, vraiment, hein, vous connaissez, parce qu'elle va jamais nous dire qui c'est, on sait juste qu'il vient de Bordeaux. Elle, alors, c'est l'amour depuis cet été. Ouais. Il est de Bordeaux, il s'appelle William. Ouais. On veut savoir. Vous connaissez un William de Bordeaux? Contactez-nous. On veut retracer tout. On veut le retrouver. Apparemment, en 39-45, on l'appelait Marcassin. Son nom de code, c'était Marcassin Argenté. Vous connaissez Marcassin Argenté? Appelez-nous. Non, mais il a 10 ans de plus que toi. Oui, et il a beaucoup d'humour, heureusement.

Enfin, bah, le truc que t'achètes qu'en été, le brumisateur avec, bah, il y a quoi? Il y a que 5 gouttes d'eau dedans et ils te vendent ça à 14,95€. C'est l'eau la plus chère au monde, un brumisateur, Clément. Mais c'est vrai que ça sert que l'été. Personne en hiver où ils en vendent pas, en fait, dans les magasins. Bah, ça et les crevettes, je veux dire, c'est un monde. Non, mais tout, ça marche. Il n'y a qu'en été que tu veux. Non, alors on est d'accord. Il y a plein de trucs que tu fais que en été. Des mots croisés. Fléchés. Mots croisés, j'y arrive pas, je passe intelligent. Mots fléchés, j'y arrive. C'est vrai. Je fais que ça. Et quoi que tu fais qu'en été, Laure ? Bah, je regarde les étoiles. Non, il n'y a qu'en été que je regarde les étoiles parce qu'à Paris, on ne les voit pas. Et pourquoi on ne les voit pas ? À cause de la pollution lumineuse. Exactement. Voilà. Ouais, puis même dans l'année et tout, ton chéri, tu vois, l'été, tu regardes les étoiles, il fait oh là là, elle est romantique. Ouais. L'année, elle fait bon, vas-y, fermez-toi. Arrête, c'est bon, tes étoiles ou quoi ? C'est bon, on arrête. Popo du standard. Bah, moi, il n'y a qu'en été que mon sac, mon petit panier du marché devient mon sac à main. Tu vois ce que je veux dire? Le cabas? Ah, bah le cabas devient mon sac à main. Toujours ma petite crème. C'est vrai ça. Ouais, mon pareo. Bien sûr, mais non, mais c'est vrai, un vrai truc d'été ça. Ouais. Il y a des trucs que tu fais qu'en été. Moi, il y a que l'été que t'achètes femme actuelle. Toi? C'est le reste de l'année, je suis un homme. Mais l'été, j'ai ce principe-là d'aimer lire les magazines féminins, popo du standard. Il faut savoir que c'est très complet et que j'ai vu beaucoup d'hommes sur la plage lire des magazines féminins. Mais bien sûr, il y a tout dedans. Mais ils sont mieux, vos magazines. Il y a des enquêtes, il y a des chiffres, on peut faire des sondages, des choses comme ça, c'est vachement bien. Tiens, il y a du monde avec toi au standard. 39-16 est très nombreux à être là dès le premier jour de la rentrée. Il y a Xavier, il y a Jessica, il y a plein de monde. Ça va tous les deux ? Nickel. Salut, salut. Salut. Ça va, ouais. Ça va très bien. Dis-moi, Xav, mon bichon, est-ce qu'il y a un truc que tu fais que l'été, toi, par exemple ? Alors moi l'été, il y a qu'en été où je ressemble à une glace vanille fraise. Parce qu'en fait j'ai la phobie des crèmes solaires. Et forcément au premier coup de soleil, bah voilà, c'est le style moitié blanc sur le torse et les bras rouges. Mais je suis d'accord. Bah voilà, il y a qu'en été que tu fais ça. Franchement, ma chérie, il y a qu'en été qu'elle regarde plus les calories sur les aliments. Ouais. Le reste de l'année, dès qu'elle prend un truc, elle regarde les calories. Oh, attends, non, mais ça manque de magnésium. Personne fait ça, Laure. Là, en été, on est bigou. On est. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est ça. Oui, Pauline. Mais moi, j'ai eu pareil que Xavier parce que j'avais la frange. Et donc, du coup, quand je soulevais la frange, bah, j'avais pas du tout la même couleur de visage. Ah ouais. Et oui. Et je vous ai raconté l'histoire de cette jeune fille à Punta Cana qui a voulu se faire les tresses là, à la Sean Paul. Non. Ouais. Un peu pour machin et qui a pris un coup de soleil qui a été évacué par Europe Assistance. Oh maman. Non, moi, je vous promets, non, en fait, faut faire attention. Le crâne prend beaucoup, énormément. Oui, Ginger. Ah, moi, j'ai pris une insolation comme ça, sincèrement. Ça fait très très mais mal. Mais à l'ombre, toi, elle est tellement. Ginger est tellement rousse. À l'ombre, elle a pris une insolation. On a pris quand même un coup de soleil. Madjez, est-ce qu'il y a un truc, toi aussi, que tu fais que l'été, ma petite chérie, au 39-16? Oui, carrément. Alors moi, il n'y a que l'été que je dors toute nue parce que j'adore sentir les draps tout doux sur la peau. C'est bizarre, non? Il n'y a que moi que ça chauffe ou... Non, il faut me dire, peut-être que je suis le seul. Là. Oui, Pauline, au standard. Mais l'été, tout le monde dort nu. Qui dort habillé ? Qui met un pyjama à l'été ? Bah, un caleçon. Ouais. Bah, enfin, quand t'as un corps comme celui de Clem et moi, parfois t'as pas le choix. T'aimerais dormir nu, mais on te laisse pas. Ouais. Mais il y a un truc, moi je suis obligé même. Il y a des gens, ils dorment qu'avec un drap, moi je peux pas. Faut qu'il y ait une petite couette. Quoi ? Ben, je sais que c'est pas grave, mais moi je peux pas mettre juste un drap ou pas de drap, c'est, tu dors pas. C'est horrible. Ça s'appelle du camping, je dors là, faut qu'il y ait une couette sur toi, il y a un délire. Oui, Laure. Un peu de poids, quoi, quelque chose. Dors avec Clem, monsieur, tu verras, tu dors bien. Ta couette. C'est une énorme couette, hein. Tu verras ça. Je t'embrasse, Xav. Bisous, Jessica. Salut. Bisous à tous. Bisous à tous les deux, restez avec nous. Le Virgin Tony qui continue 7h tout pile. Enfin, un point sur l'action, on est à vos côtés de toute façon. Jusqu'à 9h, le pop rock électro. Vous aimez cette Imani dans le Bissochai. Voilà ce qui arrive dans un instant. Merci de nous avoir choisi. Saison 3, c'est parti. Jusqu'à 9h, on est là. Bougez pas. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, un ciel mitigé pour débuter la semaine. On sent que c'est la rentrée des averses de la Nouvelle-Aquitaine au Grand Est en passant par les Hauts-de-France et la région parisienne. Alternance de nuages et d'éclaircies sur le reste du pays. Vous aurez 25 degrés en moyenne cet après-midi. Retour à l'air libre hier soir pour Cyprien Verseux à 26 ans. Ce Parisien vient de passer une année entière enfermé avec 5 autres scientifiques dans un petit dôme à Hawaï, un an jour pour jour pour simuler la vie sur Mars des futurs premiers humains à poser le pied sur la planète rouge. Une mission envisagée à l'horizon 2030. J'ai pété un plomb et je m'en excuse. Déclaration du patron du resto Le Cénacle à Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis. Il est accusé d'avoir chassé deux femmes voilées de son établissement samedi en leur tenant des propos islamophobes. le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour discrimination raciale. Le restaurateur a dû quitter son domicile avec sa famille par mesure de sécurité. Les agriculteurs veulent faire plier Lactalis. Les syndicats agricoles ont annoncé une grosse mobilisation nationale dès aujourd'hui pour forcer le géant laitier à remonter ses prix d'achat. Des opérations en cours de préparation dans l'ensemble des régions. L'entrée en vigueur du cessez-le-feu avec les FARC en Colombie, une fin des hostilités définitives. Après 52 années de lutte armée, le président colombien appelle le peuple à dire oui à la paix lors d'un référendum sur l'accord conclu avec les FARC qui aura lieu le 2 octobre. Avant de passer au sport, une excellente nouvelle pour Paris. Rome devrait jeter l'éponge dans la course au JO 2024. La capitale italienne pourrait renoncer dans la journée à l'organisation des Jeux pour raisons financières. Il n'y aurait donc plus que trois villes en lice, Paris, Los Angeles et Budapest. Le vainqueur sera désigné en septembre 2017. L'actu musique avec la cérémonie des MTV Video Music Awards. C'était cette nuit à Los Angeles. Le trophée de la vidéo de l'année est allé à Beyoncé. Rihanna a, elle, reçu un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière. Soirée à revivre à partir de 22h30 ce lundi soir sur MTV. En foot, la fin hier soir de la troisième journée de Ligue 1 et la victoire de Monaco 3-1 à domicile face au PSG. Les Monégasques en profitent pour prendre la deuxième place du classement à égalité de points avec Guingamp, le nouveau leader. Paris est cinquième. Par ailleurs, Bordeaux a battu Nantes 1-0. Match nul 0 partout pour Saint-Etienne, Toulouse. Et puis il y avait de la Formule 1 ce dimanche. Le Grand Prix de Belgique, victoire de Nico Rosberg. A noter la très belle troisième place de Lewis Hamilton, parti de la dernière ligne sur la grille de départ. Le Britannique reste en tête du championnat, mais avec seulement 9 points d'avance sur Nico Rosberg. Voilà pour l'actu, tout de suite, c'est la rentrée. Virgin Tonic. Bon, bye bye. Pour se réveiller sur Virgin Radio, c'est Camille Combal. Virgin Tonic, Virgin Tonic, Virgin Tonic. Les amis, avec Laure, avec Clément, avec la popo du standard 3916 pour nous joindre. C'est reparti pour une nouvelle saison. Quel bonheur d'être à vos côtés lundi 29 août. Il est 7h03. Courage, courage à vous tous pour ce retour à la vie normale. Oui. Pour beaucoup d'entre vous, d'autres n'ont pas eu la chance d'avoir des vacances. C'est encore plus dur. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver. C'est peut-être en plein achat aujourd'hui des fournitures scolaires. D'autres prennent tout de suite le chemin du taf. Vous avez passé des bonnes vacances. La moitié du temps à peu près à chercher une place de lit près de la plage. Je pense que c'est la moitié de tes vacances en vrai, non? À peu près. Le temps d'en trouver une. Moi, je suis le roi à ça. J'arrive à trop repérer quelqu'un, c'est... qui est genre à 500 mètres de sa voiture, mais pour moi, il a l'allure d'un gars qui va récupérer sa voiture. Et je dis à ma chérie, je dis, t'inquiète pas, lui, c'est sûr, il prend une kangou. Et je suis pas mauvais à ça, vrai Clem. C'est une énorme blague à faire quand tu vas à la plage, que t'as pas de voiture, que moi, tu marches tranquillement, et tu te mets proche des voitures et tu fais freiner tout le monde. Vous partez? Bah non, c'est pas ma voiture. C'est une superbe action, il fait de bien à la plage, qui est mieux, c'est se baigner quand même. C'est pas mal. J'ai pas pensé. Clément, il est à la plage l'été, il veut faire des blagues de genre, j'ai une voiture. Va faire des raquettes avec des potes. C'est comme tout le monde. Il y a pas un truc dans lequel vous êtes trop... Ah, vous savez quoi? On en parle dans un instant. Il n'y a pas un truc dans lequel vous êtes trop fort l'été? Si. Vous êtes imbattable. Si, ouais. Si. C'est vrai? Ouais. C'est quoi toi? Moi, c'est l'organisation du sac de plage. J'oublie jamais rien, je suis une tueuse. Oh là là. Ouais. Ça s'appelle aussi la relou de l'été. Personne ne touche à mon sac parce qu'il ne faut pas mettre de sable dedans. Joachim, t'as pensé à lundi solaire? Joachim, et pas sur raquette, on n'a pas encore, on a fait une troisième paire. Non, mais je suis sûr, elle doit être relou. Moi, j'ai toujours des balles de rechange pour les raquettes. Oh non! C'est super. Bah oui. Mais qu'est-ce que c'est relou d'y penser. Bah vous êtes bien content de les trouver. Le truc pour lequel vous êtes le roi ou la reine, on en parle avec vous. Tiens, 39-16, appelez-nous, vous le savez, cette émission c'est la vôtre. 7h30, énorme surprise à vous révéler, ça arrive. Voilà, vraiment dans 25 minutes exactement, vous saurez ce dont on parle depuis des semaines et des semaines. On vous dira tout. Restez avec nous, le pop rock électro d'Imani qui arrive dans 2 secondes. Et pour le moment, comme chaque matin à 7h05, c'est la question de ouf. Question de ouf. La question de ouf, le principe est très simple, monsieur l'incruste. Exactement, c'est un répondeur, on vous laisse le numéro, on vous pose chaque jour une question, on prend les meilleures réponses, 01 84 07 08 09. Ce matin, on vous a demandé quelle est la phrase que vous avez le plus entendue cet été. Moi, la phrase que j'ai entendue pendant toutes mes vacances d'été, c'est un Pikachu. T'as vu, il y a une arène en bas de l'immeuble, t'es plutôt team jaune ou team bleu? Moi, je suis team Virgin Tonic et puis c'est tout. Plutôt merguez ou plutôt chipot? Ah, on n'a jamais autant mangé dehors. Alors moi, la phrase que j'ai le plus entendue cet été... ou plutôt que j'ai le plus dit cet été, c'est apéro. Ne secouez pas votre serviette ou mettez du sable partout. On va partir plus tard pour éviter les bouchons. Alors moi, la question que j'ai entendue pendant les vacances cet été, c'est mon fils de 4 ans. Maman, c'est dans combien de dodo, Fort Boyard? Quand est-ce qu'on arrive? On est bientôt arrivé? Dis, maman, on est bientôt arrivé? Eh oui, j'ai deux enfants. Quoi? Ta mère a 24 degrés? Je vais jamais rentrer dedans, c'est trop froid. Bah alors, t'es toute blanche? Tu vas pas bronzer à la plage? Bah non, je bosse tout l'été. Question de ouf. Merci pour toutes vos réponses. Vous savez ce que c'est, moi, la phrase que j'ai le plus entendue cet été? Vas-y. Tu peux me payer mon loyer? Mais en vrai, mais je vous promets, on peut pas, parce que il faut vous inscrire loyer au 7-12-13, ça vous le savez. Mais après, voilà, c'est réalisé sous contrôle, c'est vraiment un tirage au sort. Voilà, je pourrais pas vous faire gagner, sinon Laure en serait au 25e loyer. On peut pas, mais inscrivez-vous, puisque le tirage au sort, c'est à 7h20. Dans moins de 15 minutes maintenant, restez bien avec nous, on écoute Imani dans le Bissochat. Dites-nous pourquoi vous êtes le roi ou la reine l'été. Ouais. Okay. Ce sur quoi vous êtes imbattable, on en parle avec vous dans un instant. 39-16. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. You feel my heat on your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Race so much faster. I dump myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, here so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Excellent réveil à vous tous, 7h10, c'est le Virgin Tonic. Lundi 29 août, j'espère que tout va bien pour vous. C'est notre rentrée, c'est reparti. Une année à vos côtés, 6h, 9h. C'est vraiment un bonheur de vous retrouver. Hein. 39-16 pour nous joindre. Vous le savez, cette émission, c'est la vôtre. Toute l'équipe qui est de retour. Oui. Au complet. Il n'y a pas eu de désertion pendant l'été. Et non. On retrouve tout le monde, bien sûr. J'espère que vous aussi, vous avez passé un très très bel été. Pour ceux qui ont eu la chance de partir, on parle avec vous du truc sur lequel on est imbattable l'été. Oui. Ouais. C'est vrai, le truc, l'année, on est qui on est. Oui. Et l'été, on sait pas pourquoi, il y a un domaine dans lequel on se révèle. Ouais. Moi, c'est le spritz. Ah, oh, vous voyez, l'apéro spritz, ah ouais, très à la mode. Heureusement que c'est revenu à la mode, ouais, parce que j'aurais été un ringard, mais je suis le roi du dosage. Non, non, mais je vous jure. Ouais. Même Robin, notre réal, un soir, il a fait une soirée chez lui pour des spritz, il m'a demandé ma recette. C'est vrai? Et je lui ai donné. C'est vrai. J'ai eu cette chance. Il a eu cette chance, il l'a. Non, je suis dans le dosage, je vois exactement. Même au regard d'une fille, un garçon, je sais s'il faut mettre un peu plus d'un truc. Je suis le roi du spritz, Clément. Dans le même thème, je pense être champion du monde de du petit apéro improvisé qui finit à 4h du mat en boîte avec cette fameuse phrase de écoute, un dernier verre puis on se connaît plus. Ouais. Allez. Ouais, mais toi, ça, c'est pas une spécialité d'été, c'est une spécialité d'année. Je suis meilleur l'année quand même. C'est le problème de Clément, c'est que tu bois une bière avec lui en fin de semaine le vendredi à 16h et tu te réveilles le dimanche dans les bras d'un docker au Havre. Et entre, tu ne sais pas ce qu'il y a eu dans ta vie. Sacré Michel. Laure, t'es la reine dans quoi, toi? Alors, moi, donc, je te dis sac de plage et la deuxième chose, c'est organisation des activités. Alors. Cette année, on a tout fait. Canyoning, acrobranche, piscine naturelle, le cheval, la naturiste. Totale. Piscine naturiste. C'est pareil. Non, piscine naturelle s'appelle une flaque. Hein. Non, tout à fait. Non. Excuse-moi. on te lance pas, ça va être pénible. Hugo est avec nous au 39-16. Salut, poteau. Salut Camille. Hugo, mon bichon, dans quoi t'es le meilleur, toi? Attention, ouais, uniquement l'été. Tu te réveilles, tu sais pas pourquoi. Je suis le roi, l'été, du gonflage sur la plage. C'est-à-dire le gonflage de bouées, de brassards pour les enfants, de matelas pneumatiques. On me demande tout le temps et je gonfle. Bon, je finis les journées avec la tête qui tourne, mais je pense avoir soufflé dans tout ce qui est possible. Ah ouais, mais ça, alors j'avoue, il y a... Non. Arrêtez l'équipe. Mais non, parce que voilà, moi j'ai mon neveu aussi, il faut gonfler les trucs et tout, c'est épuisant. Il y a vraiment les bons et les moins bons là-dedans. Nico du bureau. Très compliqué, les brassards notamment. Moi, avant, les brassards, je les gonflais comme ça et je les mettais sur les bras. Faut pas faire ça. Hein. Tu mets le bras d'abord. Oui. Bien sûr. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu peux faire une prise de sang. Si tu gonfles trop, tu peux faire ta gueule. J'en profite, ma chérie. Pas une petite prise de sang, on n'en parle plus. Hop, c'est fait. Allez, manager. Ça fait les deux, ça fait garrot. Si tu fais trop, ça fait garrot. Pauline, du standard. Et moi, je crois que j'ai un problème. Je suis incapable de le faire. Ça me bouche les oreilles. Et ça peut durer 48 heures. Hein. Quand je gonfle, par exemple, des ballons, mes oreilles se bouchent. Et ça dure 48 heures, ouais. Moi, je suis pas bon à ça. Mon père est très bon, mais comment ça se fait? Je sais pas, j'ai un problème, je pense, technique. Ouh là là. Si on a un ORL d'urgence. Allô, SOS ORL, Clément. Moi, j'ai gonflé au mois d'août les brassards de mon petit neveu. La police a débarqué, j'avais 2,8 grammes. Ils ont pris bien ça, ils m'ont dit, voilà, ça a une belle couleur. En fait, c'est très simple. C'est les bras des petits n'ont plus de. En fait, quand vous gonflez les brassards le lendemain de soirée, les bras de l'enfant ne sont plus normaux. Ils sont bourrés. Les bras sont bourrés, c'est un vrai souci. Marie, ma belle, au 39-16, est là aussi, salut. Oui, salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Marie, ma chérie, dans quoi est-ce que tu te révèles l'été? On a tous un domaine dans lequel, donc on ne sait pas pourquoi, on est au top du top. C'est quoi pour toi? Alors moi, je suis la reine pour manger un magnum sans m'en mettre partout sur les doigts et surtout sans casser le contour en chocolat. Là. Voilà. Donc, je m'exerce beaucoup. J'en mange beaucoup et je suis une pro. Ça, c'est très dur. Très dur. Ouais. C'est très dur parce que tu vois pas le petit bout d'amande tomber sur le t-shirt. Mais avec le soleil, il reste pour l'été, quoi. Nico, du bureau. Non, mais ça, c'est simple, ça, c'est facile. Mais ce qui est difficile, c'est les grosses glaces américaines. Tu sais, quand tu vas à la fête foraine le soir, etc., où il y a 15 parfums, il y a de la chantilly, il y a du coulis, il y a tout ce que tu veux, et il y a juste une mini serviette qui fait 1 cm². Ouais, ça. Et les glaces italiennes, mais où ils mettent ça, je sais pas pourquoi, ils vous font une tour de Pise, et à l'intérieur du cornet, il y a rien. Insupportable, ça. Oh là là, ça gâche tout. Hein. Les amis, restez avec nous sur Virgin Radio. Et je t'embrasse, ma petite Marie. Moi aussi, ça fait plaisir de vous retrouver. Gros bisous. Bah nous aussi, on est ravis, ma chérie. Reste avec nous. Hugo, bisous, mon pote. Bisous, Camille. Salut, mec. Merci d'être avec nous. Le 39-16, c'est le numéro pour nous joindre tout au long de la matinée. On est déjà là au deuxième loyer qui va se gagner dans quelques minutes. On est les seuls à vous faire ce beau cadeau. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Je vous souhaite encore un excellent réveil. Toute l'équipe est là. Bienvenue. Oui, oui. Je rappelle qu'on est à la recherche du mec de Pauline. Il s'appelle William. Il habite Bordeaux. Il a 102 ans. Merci de nous contacter. On l'a quitté, elle sort avec un mec qui a 10 ans de plus qu'elle. Mais c'est rien. Oh, elle m'avait laissé tout l'été, voilà. Attends de te faire les épisodes de Columbo un par un. On verra si c'est rien. Reste avec nous, c'est Virgin Tonic. Bon réveil. Dis donc, la rentrée est à moins 50% chez But. Mais ils font pas les choses à moitié. Je viens de te dire le contraire, elle est à moins 50% la rentrée. Non mais c'est une expression, c'est comme couper les cheveux en quatre. C'est pas une expression, c'est mathématique. C'est la rentrée no stress chez But. En ce moment, profitez de moins 50% sur de nombreux produits. Oui, jusqu'à moins 50%. But, c'est nous. Produits et réductions signalés en magasin et sur but.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron. Petit poc. Si, c'est la foire au vin chez Lidl. À partir de mercredi, le Côte du Rhône vieille vigne 2015 AOP médaillé d'or, et bien le carton de 6 bouteilles dont 2 gratuites est à 11,50€.

tout de suite. Camille paye votre loyer sur Virgin Radio. Je suis pas tout seul avec toute l'équipe du Virgin. Oui. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est notre entrée ce matin. Nous sommes le 29 août, 7h21. Courage, courage à vous tous qui nous écoutez, les amis. Je sais que vous êtes très nombreux en voiture, à la maison, peut-être sous la douche encore, en train de vous préparer. Et vous le savez, chaque matin, 6h20, 7h20, 8h20, nous sommes la seule radio à payer votre loyer. C'est simple, loyer au 7-12-13 par SMS, vous me laissez bien votre numéro de téléphone, tirage au sort toutes les heures, on vous rappelle, vous répondez Virgin Radio. Voilà. Et on vous fait un chèque du montant de votre loyer. Après le chèque, vous en faites ce que bon vous semble. Eh oui. Eh oui. Vous le dépensez en ce que vous voulez, ma popo du standard. Et on vous appelle en masqué. Ah oui. Ça, c'est important, la raison de le dire. Eh oui. Eh oui, les amis. On vous appelle en masqué, c'est parti, toutes les heures. Et attention, on est maintenant à moins de 10 minutes de la révélation de l'énorme surprise. Énorme surprise. Ça, c'est sur Virgin Radio. Restez dans le coin. On a tenu. Ça fait maintenant 2 semaines qu'on vous dit énorme surprise à 7h30. Et ça arrive. Allez, on y va. Deuxième loyer de la matinée. On réembrasse... Siam. Siam, les amis. Oui, allô. Première gagnante, il y a une heure. Allô, bonjour, qui est là? C'est Frédéric. Salut, Fredo. Tout roule? Ouais, tout roule, ouais. Ouais, tranquille. Dis-moi, j'ai une question à te poser, Fredo. Oui. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer toutes les heures? C'est Virgile. Hein? Ouais. Bravo. Ouais, ouais, Fred, il fait pas dans le détail. Donc, Virgile, ok, merci. Bonne journée, envoyez le chèque à telle adresse. Pas de temps à perdre, le Fredo, c'est normal. Il est en pleine journée de rentrée, comme tout le monde. Attention, mon Fredo. Alors, il faut que tu me dises quand même d'où tu viens. Je viens de Lorient. D'accord. Et quel est le montant de ton loyer? 746. 746 euros. Ben, on est très heureux, mon poteau. On va t'envoyer le chèque dès cet après-midi. Ok, d'accord. Merci, Camille. Bon, on est très heureux. Merci, qui que tu sois, qui m'envoie un chèque. Frédéric. T'es de Lorient, mon Fred, hein? Oui, je suis de Lorient, ouais. J'ai trouvé un gars formidable de Lorient. Je sais pas si vous avez fait comme moi, je ne rate jamais Koh-Lanta. Ouais. Mmh. Il y avait le lancement de la nouvelle saison vendredi. Et il y a un Lorienté qui est l'ancien gardien de but de Lorient. Ah ouais? Qui a 22 ans. Je l'ai trouvé génial, ce gars. Eh ben, ouais. Parce qu'il évite les conflits, il va parler et tout. Parce qu'il est entraîneur pour les enfants et tout. Et on sent qu'il a. Stratège. Non, au contraire, il a du. Il a du pont dans l'aile. Non, ouais, il sait, voilà, quand coacher. Voilà. La diplomatie. Merci, ouais, c'est le mot. Il est malin, c'est ça? Oui, bah, ça va, on a diplomatie. On vient de trouver le mot diplomatie, on revient avec malin. Non, mais sérieux. Non, mais c'est pas possible. Eh oui, ma polopo du standard. Mais c'est pas les diplomates qui gagnent, normalement. C'est un peu les, ceux qui sont énervés, non? Tu parles de campagne présidentielle? Non, c'est vrai, mais en tout cas, je l'ai trouvé très bien. Il est de Lorient, il est vraiment bien, lui. Vous savez que je suis fan de Koh-Lanta. Oui. Les amis, bravo à toi déjà, mon Fred. Et puis, sachez que dans une heure, nouveau tirage au sort. Tentez votre chance dès maintenant. Loyer au 7-12-13 par SMS. Prochain tirage au sort, donc, à 8h20. Et tout de suite, Mans Zelmerlov. C'est ça. Ah, bien sûr, c'est un faire chez le radio Stuttgart. J'ai fini à tout. Stuttgart, con homme. On réveille. Coutine tag. Je te mens, je ne fais que ça. Et dans mes yeux, tu le lis. Je te mens, mais je sais déjà que je suis bientôt pris. Je ne trouve jamais rien de mieux. À croire que j'aime ta jalousie. Je sais qu'on perd toujours à ce jeu. Qu'un jour tu seras parti. J'ai ça dans la peau. Jusqu'à la fois de trop. I should have gone home. Chaque fois je détruis ce que j'ai de plus beau. Car du mal je m'en fais aussi. J'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game. Wish I could just let it be. Should've left but I did it again. And now it all fires back in me. Je fuis ton regard. De peur qu'il soit trop tard. Excellent réveil à vous tous, 7h27. Vous êtes dans le Virgin Tonic. Lundi 29 août, et oui, c'est notre rentrée. J'espère que tout va bien pour vous. Je sais que plein de gens ont pas eu de vacances, d'autres sont déjà rentrés depuis quelques semaines, peut-être déjà sur le chemin du boulot, en train de déposer vos enfants déjà à l'école. Ah ben non, l'école a pas commencé. Eh ben non, si on vient déposer maintenant, on est mal. Mais en revanche, ça va être la semaine de fourniture. Ouais, ça va être la semaine. Et de machines à laver. Oh là là là là. Après les vacances qui parfois sont fatigantes. Les vacances parfois, non mais c'est génial d'en avoir. Mais non, mais t'es toujours en conflit ou avec les enfants. Ouais, moi, ma chérie, c'était genre, fallait mettre le réveil bientôt à 5h du mat pour aller à la plage en premier, quoi. Bah évidemment. Non, mais il faut y aller à la plage, t'y vas à 15h30, ça va le soleil tombe. Mais pas du tout. À la plage, t'y vas à 10h, comme ça t'as pas d'embouteillage, t'es en première ligne. Non, mais attends. Mais l'orga, de l'or, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, mais sans déconner. Mais attends. Mais non, mais c'est beaucoup trop tôt. Mais qu'est-ce que tu fais à 10h à la plage? Bah justement, t'as pas d'embouteillage, il y a pas les enfants dans la voiture qui crient, qui s'énervent, etc. Non, non, c'est très bien. 10h à la plage, non. C'est parfait. Mais c'est bon, Clément. Mais alors, attendez. Non, mais ça vous faites mal. À quelle heure on va à la plage? Mais là, je voudrais des gens en 39-16. Dites-nous et on fait une moyenne. Mmh, d'accord. Qui calcule la moyenne? C'est toi, Ginger. Okay. Sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, n'hésitez pas à réagir. Tu fais la moyenne de l'heure. Donc moi, je dis 15h30. L'heure, okay. Tu dis? Bah 10h. C'est beaucoup trop tôt, Clément. Quand on a un été caniculaire comme ça, 18h30, 21h, et comme ça, on profite des bars de plage qui ouvrent après et il y a moins d'enfants. Ok, ouais. Ok, Clément, tu marques des points, donc on te compte sur 18h30. Popo du standard. Bah le pique-nique, c'est midi. On pique-nique sur la plage. Personne va à la plage à midi, c'est la pire heure pour aller à la plage. Ah bien sûr. Pas quand t'as un parasol arc-en-ciel. Désolé. Ah ouais, excuse-moi. Pardon. T'as le parasol arc-en-ciel. Autant pour moi. Bonne plage à toi. Mais non, mais midi c'est le pire. C'est que tu manges, du coup, c'est des prix qui n'existent pas en Europe. Les prix qu'on te sort le midi. Oui, mais même si tu pique-niques, je veux dire, c'est le moment où c'est la guerre. Voilà, et c'est le moment où il fait plus chaud au midi. Bien sûr. Là, Pauline, on te comptabilise parce que je te respecte. Ouais. Mais j'en ai moins de respect pour toi. Nico du bureau. 7h30 le matin pour courir, aller faire pipi au chien. Tu fais faire pipi au chien à 7h30 et tu peux courir aussi. Qu'est-ce que tu racontes? Bah non, mais 7h30? Il y a personne, c'est parfait. Elodie, ma chérie, t'es au 39-16 avec nous. Salut Camille. Peut-être pour toute autre chose, mais je vais avoir besoin de toi. Pour toi, quelle est la meilleure heure pour partir à la plage? Moi, c'est 16h, parce que j'ai deux enfants en bas âge et faut qu'ils fassent la sieste, parce que sinon, après, c'est la misère. Très bien. Moi, 16h, ça me plaît plus la fin d'après-midi, là. Ouais. Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a, alors? Bah 16h, moi, je vous laisse ma place, parce que c'est l'heure à laquelle je pars. Eh bah, très bien. Eh bah, très bien. Ah voilà. Non, t'es à côté de la relou avec son parasol arc-en-ciel. Ça me dit rien. Jérémy, quelle heure il faut aller à la plage? La meilleure heure? Et la meilleure heure, alors déjà salut Camille et salut à tous, ça fait plaisir. Et la meilleure heure, c'est minuit. Et ouais, minuit, parce que l'eau déjà, elle est plus chaude, il n'y a personne. Et tu sais quoi, avec ma petite chérie, on peut faire ce qu'on veut à ce temps-là. Ouais, minuit, mais tout nu. Effectivement. Ah bah oui. Super. Alors faites attention, ne confondez pas avec midi tout nu. Là, vous allez avoir des. Selon la plage, vous risquez quand même d'avoir 2-3 soucis. Alors on a fait une moyenne. On a pris aussi, quelle est la meilleure heure pour aller à la plage selon vous? Bah Jérém fait un peu chuter la moyenne quand même, ça passe à 15h. Ah, et on tombe sur toi. J'avais dit quoi? Bah oui. J'avais dit 15h30. Mais voilà, on met tout le monde d'accord. Merci Pauline. C'est toi qui as dit l'effort. Ouais, c'est sorti tout seul. C'est bête comme chou, tu sais. Oui, Ginger. Mais de toute façon, c'est toi qui as raison, parce que entre 10h et 15h. Ginger, tu peux t'arrêter là. T'as dit l'essentiel, je crois. C'est moi qui ai raison. L'argument, on s'en fout. Merci mon petit Jérém. Merci ma petite Elodie. 15h à la plage. Ce sera la règle pour l'été prochain. Restez avec nous et je vous en parle depuis tout à l'heure. Une énorme surprise, on vous la révèle là dans quelques minutes. Le temps de faire juste un point sur l'actu, comme tous les matins à 7h30. Et on écoutera aussi The Avener après, mais dans 2 minutes à peine. Je vous annonce l'énorme surprise qu'on vous a réservée. Ne bougez pas. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, on va enfin respirer un petit peu. À peine 25 degrés en moyenne cet après-midi sous l'effet d'un ciel un peu plus couvert. Des averses de la Nouvelle-Aquitaine au Grand Est via l'Île-de-France. Un mélange de nuages et d'éclaircies de la Bretagne à la Corse. Mobilisation des producteurs de lait ce lundi dans tout le pays. Les agriculteurs veulent mettre la pression sur Lactalis. Ils promettent de mener des opérations dès aujourd'hui, donc dans l'ensemble des régions. Objectif, forcer le géant laitier à remonter au plus vite ses prix d'achat. Un restaurateur de Sainte-Saint-Denis accusé d'islamophobie, il est mis en cause pour avoir chassé 2 femmes musulmanes voilées samedi de son établissement. Le Cénacle a tremblé en France. Il a fait un amalgame entre musulmans et terroristes. Le restaurateur a ensuite présenté ses excuses. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête. Cyprien Berceau a retrouvé l'air libre. Le jeune scientifique de 26 ans vient de passer un an avec 5 collègues enfermés dans un dôme à Hawaï. Une année sous cloche pour simuler la présence humaine sur Mars. Tout s'est bien passé pour le Français, pour qui les moments les plus éprouvants ont été d'apprendre les attentats du 13 novembre sans pouvoir joindre rapidement sa famille. Vous pouvez encore gagner vos places en nous écoutant ou sur virginradio.fr. Dans 6 semaines, un nouvel électrochoc au Zénith de Paris. 13 noms, le meilleur de la scène électro, dont Lost Frequencies. Le DJ de 22 ans connaît bien l'exercice. Ce sera son 5e électrochoc. Il est impatient de revenir à Paris. Julie Pierre l'a rencontré. Donc ça, c'est la seule date d'électrochoc que j'avais faire. En plus, il y avait Flume qui était là. Et c'est un de mes artistes préférés. Je regrette. Donc, je suis impatient de retourner pour l'électrochoc parce que chaque fois, c'est vraiment la fête. Mais je pense que vu que ce sera en octobre, mon album se ressortira. Je vais jouer pas mal de chansons mon album. Je vais voir si je peux pas amener les chanteurs. Peut-être que ce sera plus découverte et moins, parce que souvent ce que je fais aussi, j'aime bien faire des mash-up et je balance un peu des sons et c'est la teuf. Là maintenant, ce sera peut-être plus un set découverte de présentation de mon album, donc on verra. Mais en tout cas, je vais jouer mes titres phares et ça va bien se passer en tout cas. Lost Frequencies le 6 octobre à Electrochoc au Zénith de Paris et en interview toute la semaine dans les news de midi et 20h. Les MTV Video Music Awards, c'était cette nuit à Los Angeles. Beyoncé, grande gagnante de la soirée. Elle a remporté le prix principal pour Formation et une autre récompense pour Hold Up. Calvin Harris a lui reçu le prix de la meilleure vidéo pour This Is What You Came For, titre interprété par Rihanna, qui elle a reçu un trophée spécial pour l'ensemble de sa carrière. Une soirée à revivre ce soir sur MTV. Enfin, un mot de foot, Guingamp, Monaco et Nice, trio de tête au lendemain de la 3e journée de Ligue 1. Monaco s'est imposé 3-1 hier soir sur le PSG. Voilà pour l'actu, tout de suite c'est la rentrée de Virgin Tony. Bon réveil. Excellent réveil à vous tous les amis, 7h33, lundi 29 août, ça y est, c'est le grand retour du Virgin Tonic. Vous nous avez tellement manqué pendant 2 mois, on est ravis de vous retrouver avec Laure qui est ici. Salut. Avec le Clément Lincruz. Bonjour. Avec la Pauline du Standard, 3916 pour nous joindre, nous raconter votre été, voilà, partager des moments avec nous, jouer aussi bien sûr avec nous. Plein de choses encore qui arrivent dans l'émission, on est là 6h, 9h chaque matin avec toute l'équipe. Et on en parle depuis, voilà, depuis l'été, depuis qu'on a annoncé notre retour pour cette 3e saison. On vous a promis de vous annoncer une énorme surprise. Et il est temps de l'annoncer. Ah, waouh! Musique de surprise. Les amis, on vous a réservé une surprise énorme. Un truc de dingue. L'équipe est au courant. Moi, je suis pas au courant. Ah bon? Non. Ah, t'étais pas au réu. C'est ça. Ça. Aussi. On a décidé ça avec les patrons de Virgin Radio pendant l'été. On s'est dit, on va absolument vous gâter. Vous êtes tellement nombreux. Imaginez, pendant l'été, on a appris vous aviez jamais été aussi nombreux depuis 12 ans à écouter la matinale de Virgin Radio, à vous réveiller le matin avec Virgin Radio. Donc, dans l'été, avec les patrons, on s'est dit, faut régaler les gens, faut leur faire plaisir, faut les remercier. On a décidé ça. Alors, je vous dis, tous les gens que j'ai croisés cet été sont au courant déjà de cette surprise. Mais c'est quoi la surprise? Je dis, bah c'est ça en fait. Je peux pas. Mais là, je vais le révéler pour la première fois. Tout le monde sur l'antenne. C'est un truc de dingue. C'est un cadeau, bien sûr. Vous l'avez compris, parce qu'on veut vous régaler. Vendredi 16 septembre, dans 3 semaines exactement, on se lèvera comme tous les matins. On sera là entre 6h et 9h. Toutes les heures, on paiera votre loyer. 6h20, ouais. 7h20 et 8h20. Sauf qu'à 8h20, on vous offrira pas un mois de loyer comme on le fait chaque heure et chaque matin. Ouais. On vous offrira pas un an de loyer comme on l'a fait déjà au moins 4 ou 5 fois sur l'antenne de Virgin Radio, et c'est déjà énorme. Ouais. On vous offrira même pas 10 ans de loyer. Vous rendez compte, on a déjà fait 10 ans de loyer. Mm-hmm. Mais non, 20 ans. 10 ans de loyer. On va faire 20 ans. C'est mal me connaître. 25 ans, c'est plus. 30 ans. Mais non. C'est plus. Mais non. Arrête. 4. 40. C'est plus. 40. Vous dites 40. C'est énorme. 40, c'est plus. Mais non, 45, oui, c'est 50. Plus. T'es sérieux? C'est bon, vous dites combien? Ouais, c'est ça. Vendredi 16 septembre à 8h20, là où l'une d'entre vous aura la chance de passer sur l'antenne, de se réveiller avec nous, et on va changer sa vie puisqu'on lui offrira 50 ans de loyer. Wow. 50 ans de loyer. Mais c'est dingue. En envoyant simplement un SMS, vous aurez peut-être la chance déjà d'être le gagnant de 8h20. Mais en plus, quoi qu'il arrive, vous serez inscrit pour ce tirage au sort incroyable. Vous avez un loyer de 700 euros. Le 16 septembre à 8h20, je vous ferai un chèque de 420 000 euros. Oh là là. De quoi vraiment avoir des très beaux projets. Wow. De quoi changer votre vie pour les quelques années qui viennent. Vous avez un loyer de 1000 euros. Je vous ferai un chèque de 600 000 euros. Oh, mais non. En direct et en exclu sur Virgin Radio. C'est un truc de dingue. Laure. En fait, tu fais une vie de loyer, quoi. Une vie de loyer. C'est incroyable. Bah ouais, parce que tu prends un appart vers quel âge ? 20 ans. Bah 20 ans. 20 ans. Après, ouais, si t'es le nouveau mec de Pauline, c'est un peu plus qu'une vie. Il y a un peu de reste pour l'héritage, quoi. Alors, j'explique la blague. Hein. Elle est quand même avec un mec qui a mon âge, ouais. Mais juste, du coup, il y a énormément de différences avec elle. Voilà, donc bon, là, elle va prendre cher. Les amis, 50 ans de loyer. C'est un truc de dingue, les copains. On est tellement heureux de vous faire ce cadeau, on est tellement impatients. Et alors, vous le savez, Virgin Radio, voilà, toutes les heures, on vous encourage à vous inscrire pour le loyer qui arrive. Alors, évidemment que le SMS, c'est payant, on vous ment pas. Évidemment, c'est majoré. Mais ce qu'on fait, en fait, on va faire un truc simple qu'on a déjà fait l'an passé. Je trouve que c'est très bien comme ça. Vous envoyez un SMS, comme vous le faites le matin, pour vous inscrire. Et quoi qu'il arrive, votre SMS vous inscrit aussi pour le tirage des 50 ans. Comme ça, en vous inscrivant, vous avez... Bah 50 et... Bah non, ça va être trop compliqué. Ouais. Mais vous avez deux fois plus de chances de gagner. Voilà. Chaque fois que vous vous inscrivez pour le loyer, pendant 3 semaines, jusqu'au 16 septembre, et vous qui êtes inscrit depuis 6 heures, bien sûr qu'on les comptabilise. Chaque fois que vous m'envoyez un SMS, non seulement vous pouvez tirer au sort pour 8h20, là, le prochain tirage, mais en plus, vous augmentez vos chances d'être tiré au sort pour les 50 ans de loyer. Envoyez 20 SMS d'ici le 16 septembre, vous aurez 20 chances d'être tiré au sort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Clément. En fait, si vous avez un enfant, là, qui a 10 ans, vous payez plus le loyer jusqu'à sa retraite. C'est un truc de fou. Donnez-moi un montant de loyer, tiens, Popo. 750, je te ferai un chèque de 450 000 euros le 16 septembre. Wow. C'est pas vrai. Pour moi, c'est un grand oui. Les amis, je suis comme un dingue. Je suis très, très, très heureux de ça. Alors, bon, il y a les 5000 personnes avec qui j'ai parlé cet été étaient déjà au courant. Et pour tous les autres, voilà, c'est une très belle surprise que je vous ai réservée avec tous les patrons de Virgin. Voilà, on est impatients vraiment de vous offrir ce cadeau magnifique. On aura le temps d'en reparler. On s'écoute. The Avener ? Oui. Allez, The Avener tout de suite. Vous êtes en direct dans le Virgin Tonic. De toute façon, des cadeaux comme ça, il n'y a que chez nous que vous en trouverez. Bon réveil à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette saison 3, 6h, 9h chaque matin. Virgin Tonic. Virgin. Virgin Tonic. Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song. Way down deep. It doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think of your thirsty rose. Yeah, I know. For we both know it's wrong, but we're just dancers. We know the song, we know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go home. I know, I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know. Oh. Thanks. excellent réveil à vous tous dans le Virgin Tonic, 7h41. Virgin Tonic. Merci de nous avoir choisi, c'est la rentrée 6h-9h avec toute l'équipe qui est là. Bien oui. Laure, Clément, salut. La popo du standard. Des cadeaux magnifiques à vous offrir toute cette semaine, je vous l'ai dit, pour fêter notre retour. Des places pour des tours du monde, pop rock, électro. Les Red Hot Chili Peppers, on a offert deux places ce matin. On a aussi Justin Bieber, DJ Snake, c'est à Chicago. The Avenger, c'est à Ibiza. Et Adele, que vous pourrez aller applaudir à New York, tout frais payé avec la personne de votre choix. Le concert est très très très complet. Enfin, il est complet finalement, il ne peut pas être très complet. Et du coup vous y serez. Et en plus le séjour à New York offert par Virgin Radio. Et pour le moment on joue pour un autre cadeau magnifique. On les remercie. Vous vous rappelez des cartes Aptans? Oui, oui, oui. J'avais ça sûr. Quand j'étais petit. J'adorais les Tatotans. Tatotans. Donc des packs Tans, c'est-à-dire avec le cartable. Et à l'intérieur du cartable, en plus Tans vous rajoute un petit iPad mini. Ça c'est sympa. Sympa. C'est quand même sympa. Ah, ouais. Pour la rentrée, c'est à gagner. Je sais que vous êtes en plein achat de fournitures scolaires. Les mamans, les papas qui nous écoutent. Et qui pour jouer avec nous, c'est Marina qui nous a appelé au 3916. Salut Marina. Salut Camille. Ma belle, je suis ravie de t'entendre. Tu viens d'où? De Villeurbanne, à côté de Lyon. Villeurbanne, très bien. Eh bien ma chérie, tu vas inaugurer un tout nouveau jeu. Ouais. Et vraiment, on est très fiers de ce jeu. On s'est rendu compte cet été, on a fait des apéros comme vous tous, comme tout le monde. Et souvent, il y avait quand même l'apéricube. Et l'apéricube, à l'intérieur des apéricubes, il y a une question. Oui. Et ben nous, on va tout simplement te demander quel apéricube tu veux ouvrir. Oh, on te pose la question. Si t'as la bonne réponse, c'est gagné. D'accord? D'accord. Ah, on s'est foulé, hein? J'ai vraiment un bol d'apéricube devant moi. Oui. C'est parti, jingle. C'est le jeu de l'apéricube. Jeu de l'apéricube. Au saumon, mes préférés. On les a pas. Ben oui, j'ai bien compris. Clément. Je précise qu'on ne joue pas avec la nourriture, on va vraiment les manger. Ah, mais Clément les mangera bien sûr. Attention. Ouais, plaisir. Le principe est très simple. Je te rappelle que parmi les apéricubes, il y a le parfum chèvre, le parfum jambon aux herbes, le parfum tomate, le parfum bleu et le parfum tomate à la provençale. Voilà, dans chaque apéricube, il y a toujours une question maintenant. Ma chérie, quel parfum tu veux essayer? On va essayer tomate provençale. Tomate provençale, c'est le orange. Très bien, bon goût. T'aimes la Provence, toi. Marina, voici la première question, je rappelle. On va te poser trois questions, faut que tu aies au moins deux bonnes réponses. D'accord. Voici ma question. Question d'apéricube. Quel est l'hymne... Ah mince, ouais, c'est coupé. C'est comme les carambas. Youri Djorkaeff a fini sa carrière de footballeur au sein du Metro Stars New York. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Alors là, vraiment au pif, on va dire vrai. Et c'est une bonne réponse. Eh oui. Wow. Alors, je me rends compte d'un truc et c'est bien normal, c'est qu'à mon avis c'était les apéricubes de cet été, donc sortis pendant l'euro. À mon avis, ça va être très sur l'euro. Ouais, je pense, ouais. J'espère que t'es calé, on t'aidera au cas où. Avec Clem, on adore ça, mais à mon avis, ça va être vraiment des questions foot. Clément, premier apéricube. Bon appétit. Bon app, mon grand. Bon attention, appétit. On y va. Deuxième apéricube, apéricube que tu voudrais que je tire au sort, ma belle. Allez, chèvre, ça va bien avec les tomates. Chèvre, très bien, c'est le vert, elle aime le fromage. Attention, il n'y a pas de languette, c'est très triste, ça. Ma question apéricube, la voici. Quel joueur de football a déclaré « Je suis fier qu'on me compare à Michel Platini » ? Ah, bah, je dirais Griezmann. Griezmann ? Ouais. Eh bien non, c'est Zidane. Oh, c'était Zinedine. J'avais pas la réponse, hein, c'est écrit sur l'apéricube. C'était Zinedine Zidane. Laure, apéricube chèvre. Merci beaucoup. Régale-toi. Ouais. Allez, un dernier, tout se joue là. T'as une bonne réponse, une mauvaise. Alors, tu as le droit de tirer un dernier apéricube. Bleu. Le bleu? Ouais, allez. Bleu. Eh bien, bleu, c'est au bleu. Malin, apéricube. C'est fou. Il y en a là-dedans, la vache qui rit. Attention, on y va. Dernière question, tout se joue là. Alors on plaisante, mais il y a quand même un iPad mini et un pack Tans. T'es maman ou pas, Marina? Non, pas du tout. Eh ben écoute, faut vite faire des enfants pour que le cartable puisse te servir. Attention. Quel ancien entraîneur du PSG avait toujours une sucette à la bouche? Alors moi j'ai la bonne réponse. Je sais. Est-ce que t'as une idée comme ça? J'ai une idée, mais c'est LF. Ouais. Je sais ça. Eh ben c'est ça, ma chérie. Vas-y, c'est vrai, dis. C'est ça, Luis Fernandez. Très bonne réponse. Wow. Bravo. Wow. C'est pas si simple. J'avais la réponse. C'est Luis Fernandez qui avait toujours. Tu sais. Eh ben donc 2 points. Oui. C'est gagné. Wow. Pactance, c'est génial pour toi. Ouh là là. Et l'iPad mini, on peut t'applaudir. Wow, c'est trop bien. Merci Virgin, je suis trop contente. Et là, c'est pour Popo. Oh non, mais je vais sortir la péricube au bleu d'Auvergne. Marina, je t'embrasse très fort. Félicitations, ce cadeau, c'est à gagner tous les matins. Restez avec nous dans le Virgin Tonic à 7h46. Le pop rock électro que vous aimez, c'est Jason Derulo. Want to want me. Laure, ça se veut dire J'étais pas sur le coup, pardon, j'étais sur la péricube. Wall Street Institute. Restez avec nous sur Virgin. So I'm a slave. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah. In the back of the cab, I tip the driver head of time, get me the fast. I got your body on my mind, I want it bad. Ooh, just the thought of you gets me so. The door. Sur Virgin Radio, 8h10, j'espère que ça va. L'équipe du Virgin Tonic est là, bien sûr. Oui, eh oui. Laure, Clément, la popo du standard, vous tous, merci d'être avec nous. Hein. Vraiment, 3916 pour nous joindre. Tiens, j'ai une info marrante. Vas-y. Vous qui revenez peut-être de vacances, même il y a quelques semaines, oui. Vous avez peut-être eu la chance de partir à la plage. Sachez que 63% des Français, oui. Ok, Français préfèrent la plage à la piscine. Et j'en fais partie. Ah bah pas moi. Ah, moi je préfère la piscine. Ah non. Ouais, moi ça va pas. Ah, moi, alors franchement, piscine direct. Déjà, boum, tu peux faire des bombes. Une bombe à la plage, je ne crois pas. Ah, merci. Bah, t'as pas vu mon corps. Laure, toi t'es quoi? T'es comme moi? T'es piscine ou plage? Ah ouais, moi je suis piscine parce qu'à la plage on est obligé de faire des châteaux de sable pendant 2 heures et honnêtement, ça va, c'est bon. Et à la piscine? Bah y'a pas de sable. Eh oui, mais tu peux t'amuser quand même, tu es obligé de t'amuser avec tes enfants. Il se débrouille tout seul plus à la piscine quand même. Ouais. Je sais pas. Ok, ouais. Nico du bureau. Non, mais c'est vrai que la piscine t'es hyper à l'aise alors qu'à la plage t'es toujours un peu en stress, tu sais jamais. Tu regardes s'il n'y a pas des méduses, tu regardes s'il n'y a pas des vives, tu regardes s'il n'y a pas un petit coquillage, une algue, un machin. Donc tu es en stress. Oui, non, faut... Bah si, moi c'est mon angoisse tout le temps. Ah, ma mère, elle m'a mis ça en tête depuis que je suis petit. De, attention, on marche pas sur des seringues, ils prennent de la drogue la nuit. Alors, c'est... Oh, là, là. Je sais, mais elle m'a mis ça dans la tête, je pense qu'à ça, Clément. Imagine, t'as très très envie de faire pipi, t'es au milieu de l'océan, tu dis bon, voilà, t'es au milieu de la piscine, tu te dis quoi? Bah je fais même au milieu de l'océan, je sors faire pipi en fait. Ah bon? Bah oui, arrêtez, non, c'est non, non, non, non, non, pas ça. Bah écoute, je ne veux pas de cette équipe. Je ne veux pas, mais vous êtes ces gens-là qui font pipi dans la mer. Oh bah, non, non, non. Il y a d'urgence, regarde les poissons. Non, tu crois que les poissons ils sortent de l'eau? Les tortues, oui, c'est pour ça qu'elles font des fois sur le sable. Mais... Restez avec nous, Serge Peretta. Vous savez, on ne sait jamais s'il faut dire Rouliane, Juliane, Nouliane. Donc on dit Serge Peretta chez nous. I cry

d'être avec nous. Bientôt 8h, les amis, c'est le grand retour du Virgin Tonic. On est très très très heureux de vous retrouver, surtout vous tous qui nous suivez depuis maintenant 2 ans. Puis plein de nouvelles personnes qui nous écrivent sur les réseaux, Facebook, Twitter, qui nous écoutent pour la première fois. Eh bien, soyez les bienvenus. On est là, 6h, 9h, avec Laure, avec Clément. Salut. Bonjour. Avec la popo du standard, avec l'actu qui arrive aussi dans un instant, à 8h tout pile, comme chaque matin. Puis la question de ouf, c'est à 8h05, comme chaque jour. Et alors, on parle d'été. Oui. Forcément, on s'est un petit peu raconté nos vacances, vous nous racontez les vôtres au 3916. Et il y a plein de gens qui réagissent à un truc qu'on a dit, c'est les trucs qu'on fait qu'en été. Oui. Ouais. Le hashtag, c'est « Il y a qu'en été que ouais. ». Vous avez compris ça ?« Il y a qu'en été que ». N'hésitez pas, donnez, on va lire plein de messages. « Il y a qu'en été ». Qu'on fait certains trucs, c'est vrai. Moi, je disais tout à l'heure, les mots fléchés, par exemple, jamais de l'année, j'ai envie d'en faire. Et l'été, il faut toujours que j'ai un bouquin de mots fléchés avec moi. Alors, ah, moi, il y a qu'en été que je m'en fous du Wi-Fi. Je le décroche de mon téléphone. En même temps, en Corse, vaut mieux s'en foutre du Wi-Fi. Hein. Et de la 3G également. Mieux partir du principe que ça compte pas trop pour toi. Voilà. Vous allez en Corse, partez avec 2-3 bouquins. Quand même. C'est ça. Conseil. Non, moi, il y a que l'été que je lave ma voiture. Ah, ouais. Là, maintenant, elle est repartie pour 10 mois de non lavage. Ça me gêne pas du tout. C'est intérieur, extérieur, je m'en fous, mais l'été, ouais, t'as vu qu'elles sont un peu jolies, quoi. Nico, du bureau. Ouais, non, en fait, le reste de l'année, c'est plutôt laver à l'eau de pluie, à l'eau de là-haut, quoi. En fait, c'est à l'eau de mer, à l'eau de pluie, à l'eau de là-haut. Je dors pieds nus aussi l'été. Ah oui, je dors pieds nus, je conduis pieds nus, je veux dire. Parce que le reste de l'année, t'as les après-ski, évidemment. Je conduis pieds nus. Mais moi aussi. J'adore ça. Très dangereux. Hein? Non. C'est très dangereux. C'est interdit. Bah c'est oui. Ouais. Parce qu'il faut toujours avoir des chaussures au cas où il faut freiner d'urgence et tout. Non, ah ouais. Mais avec tes pieds, tu peux pas freiner d'urgence. C'est interdit. Non, mais c'est interdit. Les tongs et pieds nus, normalement, c'est interdit. Ah, les tongs, je comprends. Parce que tu peux. La sandale peut se tordre ou quoi. Mais pieds nus, il n'y a rien de plus pratique que pieds nus. Bah oui. Clément. Et bizarrement, il n'y a qu'en été, du coup, où on pue pas des pieds. Parce qu'on est en quasiment en chaussures ouvertes tout le temps. Je vais avoir du mal à te rejoindre sur ce point-là. Propos du standard. Ouais, moi, il n'y a qu'en été que je m'arrête écouter les groupes qu'il y a dans la rue. Normalement, je les évite. Ouais. Et là, j'écoute. Et d'ailleurs, gros bisous au Chicho. Rue Sainte-Catherine, c'était énorme. Mais ouais, je suis d'accord avec ça. Bah ouais. Un groupe qui chante mal Iron Maiden ou quoi, l'année, ça te saoule. L'été, ouais. Tu vois, tu fais, oh, ils sont quand même sympas. Ouais. C'est sympa, quoi, c'est folklorique. Tiens, on va prendre du monde avec nous. Il y a plein de monde au 39-16, le standard. Geoffrey est là. Salut, Geoffrey. Salut les amis, enfin on vous entend. Ça vous fait très très plaisir. Vous nous avez manqué, sérieux, vous nous avez manqué. Heureusement qu'il y avait Facebook pour qu'on puisse vous suivre un petit peu. Bah t'es un amour. T'es parti où, mon Jojo? Bah moi je suis resté avec les enfants. Ma femme a commencé à travailler il y a pas longtemps, donc pas de congé cette année, quoi. Ah bah ça arrive, t'en prendras un autre moment dans l'année. Mais il y a un truc que tu fais que l'été en congé ou pas? Il y a un truc que tu fais que là? Il y a qu'en été qu'après manger on finit par une petite partie de tarot sur la terrasse avec un 7-27. Bah, alors là, c'est le bonheur à l'état pur, quoi. Pareil, ouais, je suis d'accord. Il n'y a que l'été qui fait ça. Il y a aussi que l'été qu'en fin de dîner, tu te dis, on ferait pas une petite manzana, là? Ouais. C'est clair, c'est pas possible. Tu veux un limoncello? Tout le monde propose un limoncello. À consommer, bien sûr, frais. Moi, j'ai un petit coup de gueule, j'en peux plus du tarot, personnellement. Ah bon? Oui, parce qu'il faut être 5 pour faire un appel au roi. Donc ils m'ont tanné tout l'été pour que je joue au tarot. J'ai horreur de ça, donc j'ai joué au tarot. Puisque sinon il n'y avait pas d'appel au roi. Ah, t'as fait un bel été, toi. Ça c'est déjà du bel été, hein. Oui, ma popo standard. Mais pour moi le tarot, c'est ma voyante. Elle me fait le tarot. Bah, moi aussi tarot, je sais pas jouer, ouais. Donc c'est vrai que quand on me dit tarot, je pense à la voyance. Ah ouais, oui, ouais. Tu veux que je te tire les cartes? Non, c'est rare, merci. Faut être 5. Émilie, ma chérie, au 39-16, est-ce qu'il y a un truc que tu fais qu'en été aussi? Salut ma belle. Coucou Camille, ouais, moi en été, en fait, c'est le seul moment où je fais un concours de qui sera la plus belle avec ma sœur. Tous les mecs tempêtes. Ma chérie, t'es en Corse encore? Concours de quoi? Ça coupe beaucoup, on t'entend très très mal, ma chérie. Tu m'entends là? Là, ça va, ma belle. Oui, on fait le concours avec ma sœur. Et non. On joue sur le mot. Ça partait de... Tu m'entends là? Ouais, super. Alors, je te donne les codes de ma carte. C'est le... Cherchez au bon moment, ma sœur. On va essayer de réavoir Émilie. On embrasse tous nos auditeurs de Porto Vecchio. En tous les cas, 8h tout pile, les amis, restent avec nous sur Virgin. Serge Peretta. C'est nouveau ça, hein, oui. Nouveau single, I Cry. Il pleure énormément, Serge. Il a un cœur. Derrière cette touffe de cheveux, il y a un petit cœur qui bat. Et on va l'écouter dans un instant. Restez avec nous, 8h tout pile, c'est le Virgin Tonic. Your radio. Pop, rock, electro. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, un ciel mitigé pour débuter la semaine. On sent que c'est la rentrée des averses de la Nouvelle-Aquitaine au Grand Est en passant par les Hauts-de-France et la région parisienne. Alternance de nuages et d'éclaircies partout ailleurs, 25 degrés en moyenne cet après-midi. L'explosion d'une bombe cette nuit dans le nord de Bruxelles. La charge a visé l'Institut de criminologie de la police belge. Une voiture aurait forcé l'entrée du parking de l'Institut et un engin explosif a été déposé près des laboratoires qui ont pris feu après la déflagration. Les pompiers ont éteint l'incendie. Il n'y a pas de victimes, mais de gros dégâts. Une partie de l'aéroport de Los Angeles est fermée. En cause, une rumeur sur une fusillade au sein du troisième hub aérien des États-Unis. Des vérifications sont en cours. Les voyageurs ont été mis en sécurité. Un suspect vêtu d'un costume de Zorro a été interpellé. Cyprien Verceux de retour à l'air libre, le scientifique français et ses cinq collègues viennent d'achever une année sous cloche. Un an, jour pour jour, enfermé dans un dôme à Hawaï pour simuler la présence humaine sur Mars. Les hommes pourraient poser le pied sur la planète rouge dans une quinzaine d'années. J'ai pété un plomb et je m'en excuse. Déclaration du patron du resto, le Cénacle, a tremblé en France, en Seine-Saint-Denis. Il est accusé d'avoir chassé deux femmes voilées de son établissement samedi en leur tenant des propos islamophobes. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour discrimination raciale. Les agriculteurs veulent faire plier Lactalis. Les syndicats agricoles ont annoncé une grosse mobilisation nationale dès aujourd'hui pour forcer le géant laitier à remonter ses prix d'achat. Des opérations en cours de préparation dans l'ensemble des régions. L'actu musique avec la cérémonie des MTV Video Music Awards, c'était cette nuit à Los Angeles. Le trophée de la vidéo de l'année est allé à Beyoncé. Rihanna a, elle, reçu un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière. Soirée à revivre à partir de 22h30 ce lundi soir sur MTV. En foot, la fin hier soir de la troisième journée de Ligue 1 et la victoire de Monaco 3-1 à domicile face au PSG. Les Monégasques en profitent pour prendre la deuxième place du classement à égalité de points avec Guingamp, le nouveau leader. Paris est cinquième. Par ailleurs, Bordeaux a battu 1-0, match nul 0 partout pour Saint-Étienne, Toulouse. Et puis une excellente nouvelle pour Paris, Rome devrait jeter l'éponge dans la course au JO 2024. La capitale italienne pourrait renoncer dans la journée à l'organisation des Jeux pour raisons financières. Il n'y aurait donc plus que 3 villes en lice, Paris, Los Angeles et Budapest. Le vainqueur sera désigné en septembre 2017. Voilà pour l'actu, tout de suite Virgin Tonic saison 3, c'est la rentrée. Bon réveil. Salut à tous et bon courage les amis, 8h03, j'espère que tout va bien pour vous, dans votre voiture, en train d'aller au travail, peut-être encore sous la douche, en train de nous écouter à la maison, c'est reparti pour une nouvelle année, on est très heureux de vous retrouver 6h, 9h avec toute l'équipe qui est là, Laure, Clément, bonjour. La popo du standard, vous le savez, cette émission surtout c'est la vôtre, on l'a fait tous ensemble, venez nous parler, nous raconter vos vies, ça se passe au 3916, il y a Eric, il y a Stéphanie, il y a Seb, il y a Od qui sont là, ça va tout le monde? Oui, salut Camille. Salut les bichons, il y a encore plein d'autres personnes aussi au 3916, restez tous avec nous, on va parler tout au long de cette émission, restez bien là, on se réveille tous ensemble chaque matin. Dans un instant les copains, le loyer, vous le savez, loyer au 7-12-13 par SMS, voilà le numéro pour vous inscrire, un SMS suffit. Et si vous n'étiez pas avec nous à 7h30, énorme surprise, chaque fois que vous m'envoyez un SMS, vous vous inscrivez pour le tirage suivant pour le 1 mois de loyer à 8h20, mais en plus pour les 50 ans de loyer qu'on vous offrira le 16 septembre, c'est complètement dingue, une personne à 8h20 gagnera une vie de loyer, on va chambouler sa vie. Oui, c'est fou. Vous avez un loyer de 1000 euros, on vous fera un chèque en direct de 600 000 euros wow. Sur Virgin Radio, donc n'hésitez pas, loyer au 7-12-13. Et avant d'écouter Serge Peretta, comme chaque matin à 8h05, Clément, qu'est-ce que t'as préparé? Eh ben c'est la question de ouf, moi j'ai pas fait grand chose. Question de as. Question de ouf. J'ai juste ouvert un répondeur en fait. Et oh. Tout le monde a laissé des messages. 01 84 07 09. J'ai ouvert un resto. J'ai juste ouvert un resto. Vous êtes tous les bienvenus. Happy Hour 17-18. Venez, n'hésitez pas. Petit vin d'honneur. Non, sans grillard. Exactement, j'ai ouvert un petit répondeur au bord de la plage. Et du coup, la question que j'ai posée, c'est quelle est la phrase que vous avez le plus entendue cet été? Moi, la phrase que j'ai entendue pendant toutes mes vacances d'été, c'est un Pikachu. T'as vu? Il y a une arène en bas de l'immeuble. T'es plutôt team jaune ou team bleu? Moi, je suis team Virgin Tonic et puis c'est tout. Plutôt merguez ou plutôt chipo? Ah, on n'a jamais autant mangé dehors. Alors moi, la phrase que j'ai le plus entendue cet été, ou plutôt que j'ai le plus dit cet été, c'est apéro. Ne secouez pas votre serviette ou mettez du sable partout. On va partir plus tard pour éviter les bouchons. Alors moi, la question que j'ai entendue pendant les vacances cet été, c'est mon fils de 4 ans. Maman, c'est dans combien de dodo, Fort Boyard? Quand est-ce qu'on arrive? On est bientôt arrivé? Dis, maman, on est bientôt arrivé? Et oui, j'ai des enfants. Quoi? Ta mère a 24 degrés? Je vais jamais rentrer dedans, c'est trop froid. Bah alors, t'es toute blanche? Tu vas pas bronzer à la plage? Bah non, je bosse tout l'été. Question de ouf. Mais c'est tellement mignon ça, je suis pas papa, mais Laure et Nico du bureau le sont. Ils comptent en dodo les enfants? Bah, bien évidemment. Oh c'est génial. Ouais, c'est mignon. Là là, oh c'est trop mignon. 8h06 les amis, restez avec nous, c'est le Virgin Tonic à vos côtés, le pop rock électro que vous aimez, c'est Serge Peretta tout de suite, I Cry. Hi, this is Julian Peretta on Virgin Tonic. What we could have been, where love could have taken us. Blame it on the wind and cry, cry, cry. You know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Yeah. I couldn't make it any more harder. I still do. I get so emotional. Come, we make a truce. 'Cause I cry, cry. You know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Matinée à vous tous, 8h09, c'est le Virgin Tonic à vos côtés, Laure, Clément, Léa, Popo, on est tous là, on vous souhaite beaucoup de courage, prudence hein, si vous êtes en voiture, c'est la rentrée un petit peu pour tout le monde, en tout cas on est très très très heureux d'être avec vous, 6h, 9h, ce sera comme ça chaque matin, c'est parti, troisième saison, le loyer à gagner à 8h20, ça vous le savez, loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire, et puis n'hésitez pas, voilà le 39 16 pour venir nous parler de tout ce que vous voulez, de vos vacances, de tout ce que vous avez fait. On a parlé un petit peu, Laure est partie en Corse, Clément, ça a été la Vendée, le Tour de France. Le Tour de France en voiture, évidemment. Évidemment, la bagnole, bien sûr, Auto Plus. Et puis Popo du Standard, beaucoup Famille. De festivals avec Virgin Radio. Oui, j'ai fait trois festivals du coup, j'étais épuisée. Et puis après, bon bah... L'amour. Ah l'amour, l'amour à faire sa part quoi. Ça y est, elle a trouvé l'âme sœur. William, le Willou, Bordeaux, de 10 ans son aîné. Oui, et alors ça on y s'aime, est. Que veux-tu? Ah, on s'aime. C'est beau ça, hein? Oui. Il dort à 16 heures. Non, c'est la sieste. Il fait sa petite sieste tranquillement devant la chaîne Histoire. Alors, j'adore le docu sur Clémenceau, c'est mon préféré. Je suis fan de Clémenceau, c'est bien simple. Il a l'histoire. Il quoi? Il aime l'histoire. Il a fait l'histoire sur Bachelor. Il est dedans. Forcément, il aime. Il revoit des potes, quoi, tu vois. Un sacré de vol. C'est pas possible. Non, on a tous passé quand même un bel été. Effectivement. Ah bah oui, Clem. Moi, je voudrais vous juste saluer mes potes qui sont les meilleurs au monde. Ils m'ont appris comment se choisir sa place sur la plage. C'est en fonction des groupes de filles. En fait, si t'as l'impression que tu cherches une place, mais il y a du soleil partout, toutes les places sont les mêmes, et tu t'assois à l'endroit stratégique pour pouvoir regarder les filles. C'est un vrai truc de mec. Bravo, ça, les mecs sont imbattables pour ça. On est imbattables pour ça et pour charger les coffres des voitures. Ça, c'est vrai. De valises, C'est important. Mais dans l'organisation de la valise, de c'est un Tetris de valises et tout. En vrai, c'est une vraie passion personnelle. Genre, j'adore ça, je peux le faire la veille et tout, c'est un vrai hobby pour moi. C'est bien. Faire que ma voiture soit exactement organisée au mieux, qu'il y ait de la place. Ça s'appelle l'ergonomie. Ah bon? Oui, la science de rentrer les trucs dans les... Ça s'appelle le coffre. Non, mais j'adore ça. Ah non, vraiment, c'est ma passion. Ça, les hommes, vous êtes d'accord, les filles, on est imbattables là-dessus. Moi, je pense que je te bats. Sur l'ergonomie? Ouais. Je crois pas, non. Je crois pas, non. Okay. Non, ça m'étonnerait, quoi. On fera le test. En quoi vous êtes meilleurs, vous pensez, les filles, vous? Attends, l'été, hein, je précise, hein, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Pauline? Nous, on pense au gilet quand on sort avec vous le soir. Alors que vous, à chaque fois, c'est « Oulala, j'ai un peu froid, en fait », et vous devenez des chochottes. Il faut faire ça. Appelez-nous, il y a plein de monde au 3916, on va vous demander aussi en quoi les filles sont meilleures l'été, en quoi les mecs sont meilleurs l'été. Voilà, on est imbattable. Ah, évidemment, barbecue, on le disait, trouver la place sur la plage. Là, je suis complètement d'accord avec Pauline. Mmh. Moi, je sais, voilà, on sort le soir, ma chérie, elle est toujours... Petite veste. Mais oui, c'est 22h quand même. T'as beau être sur le port, il y a du vent, quoi. Ah bah bien tu vois, elle pense à ça, c'est un vrai truc de filo. Ouais. Moi, je suis hyper forte pour imbattable, pour calculer les temps de trajet. Temps de trajet à l'aéroport, temps de trajet à la plage. Tu vois, quand on a des trucs à faire avec des horaires. C'est dense, c'est mec fille, ça, moi j'adore le faire. Si j'écoute Juju, on est en retard et on court toujours. Ah ouais? Ah ouais. Alors qu'avec moi, hop, on est. Bah moi, c'est moi qui le fais, quoi. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Moi, je sais exactement et tout. Moi, je trouve que c'est un truc de mec de regarder Bison Futé la veille, départ 6h, hein. C'est rouge, tunnel de Fourvière, c'est 6h, tout le monde dans la voiture. Hein. Clément. Nous, les mecs, on n'a pas de montre l'été, c'est ça. Si, moi, heureusement qu'il y avait des filles vraiment avec nous dans le groupe, sinon je pouvais manger genre à 16h. J'ai pas de rythme. Ah ouais. C'est les filles qui nous. Ah bah, bien cadrent. Sûr. Bah, en fait, tout ce qui est orga, Eric, mon bichon, est avec nous au 39. Oui. Salut mon pote, salut, ça Camille. Va? Ça va et toi? Super, content de vous retrouver. Et moi aussi, mon pote. T'es parti où en vacances? J'ai fait un mix, j'ai fait mélange montagne et mer. D'accord, ça s'appelle la campagne. Voilà. Au milieu des deux. Au milieu des deux. Eric, mon bichon, qu'est-ce qui est pour toi, en quoi les hommes sont imbattables l'été? Eh ben, écoute, je vais prendre mon cas personnel, moi, déjà où je suis imbattable, c'est pour nager jusqu'à la bouée qui délimite la zone de baignade. C'est un truc par contre, après, je me repose 10 minutes, mais je suis imbattable. Ouais. C'est un truc de mec. C'est que les mecs qui se lancent des défis comme ça. Tu vois la bouée là-bas? Paris que j'y arrive? Bah, je m'en fous. Paris tenu. Non, mais je m'en fous vraiment, je regarderai pas. Paris tenu, c'est parti, l'avoué, Clément. Et les filles sont imbattables pour nous faire coucou, genre, c'est un vrai exploit. Oui, je t'ai vu. C'est tellement vrai. Pauline au standard. Mais moi, mon mec, cet été, il a essayé le surf et il me demandait de le prendre en photo. Donc, j'ai passé mon été à le prendre en photo. Ton mec? Ouais. Mais quel âge il a pour se mettre au surf? Non, arrêtez. J'ai un peu son mec à son âge, mais il y a 10 ans d'écart, ça choque quand même. Ouais. Oh, écoute, c'est pas si vieux quand même. Un peu, quoi. Ouais. Non, je sais en quoi les filles, vous êtes imbattables. En quoi? Indice de crème solaire. Ah bah, c'est sûr. Ouais. Non, mais non, c'est même pas. Indice 30, 40, 60, 80, je sais même pas à quoi ça correspond. Vous, elle vous regarde en une seconde, les filles, c'est ok, toi c'est un petit 40, voilà, c'est pour toi. Oui, non. Alors ça correspond au nombre de demi-heures que tu peux rester au soleil avec la crème. Mais c'est un peu fou. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est quoi? Par exemple, indice 30, 30 demi-heures, tu fais le calcul. Bon, c'est hyper compliqué, je trouve, ils auraient pu faire plus simple. C'est vrai, cas, ça. Voilà. Je crois que c'est pas ça du tout, Ginger. C'est pas vrai. Bah c'est non. Quoi? Alors en fait, c'est le temps que tu mets à prendre un coup de soleil. Si tu mets pas de crème solaire, on va dire, tu prends un coup de soleil en 10 minutes. Mm. Si tu mets de l'indice 30, tu vas mettre 30 fois plus de temps pour prendre un coup de soleil. J'ai rien compris. Mais bien sûr que si. Je suis une professionnelle de la crème solaire. Moi, je suis imbattable pour trouver la petite zone où tu vas choper un coup de soleil. Je dis, mets de la crème là, fais-moi confiance. Je connais pas du tout que. Oui, Pauline. Ok, moi, je casse toutes vos certitudes. Le soleil a changé. Il faut mettre de la 50 et pas toutes les 20 minutes. Mais si. Non, mais je suis assez d'accord avec vous. Je trouve que le soleil, il a changé, il se la pète un peu. Ouais. Moi, je l'ai vu cet été, j'ai dit, mais t'as changé, toi. Il m'a dit, non, je suis le même, je suis sur les plages. Mec, t'as un nouveau délire. Ouais. J'ai pas aimé le soleil, on a pas matché cet été. Il a changé. Il a un peu hautain, il a un truc nouveau, quoi. Il la pète un peu. Ouais. Vous pas ouais, c'est clair. Le soleil a changé. Donc, ça sort d'où ça. Les amis, restez avec nous, Eric. Je t'embrasse très fort, mon bichon. Plein de choses qui arrivent dans l'émission. 8h15.

Envoyez KUNGS, K-U-N-G-S, au 88 000. Accédez au catalogue et téléchargez This Girl, le carton du moment de KUNGS en sonnerie. KUNGS au 88 000. Abonnement 3 euros par semaine, DGP. Virgin Radio, partenaire du Soch Big Air. Les 30 septembre et 1er octobre, Annecy donnera le coup d'envoi du calendrier de compétition de ski freestyle. Une compétition hors du commun sur un tremplin XXL de 42 mètres de haut qui réunira les 20 skieurs mondiaux les plus doués et créatifs de leur génération. Champions olympiques, champions du monde et médaillés des X-Games. Plus d'infos sur sochbigair.com. Are you ready? Le Soch Big Air, un événement Virgin Radio. Combien de temps va réellement durer votre histoire d'amour? Envoyez moitié au 73202 pour savoir combien de jours, de mois, d'années votre moitié restera à vos côtés. Envoyez moitié, M-O-I-T-I-E, au 73202. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'au passe. Bientôt dans votre playlist, déjà sur Virgin Radio. LP. Le nouveau Jonas Blue. Le nouveau 21 Pilots. Le nouveau Lost Frequencies. Virgin Radio. Pop, rock, électro. Tout de suite, paye votre loyer sur Virgin Radio. Avec toute l'équipe, bien sûr, c'est toutes les heures. Hein. 6h20, 7h20, 8h20, 3 loyers à gagner chaque matin pour vous inscrire, Laure. Oui, loyer au 7-12-13, numéro de téléphone. Laissez bien votre numéro de téléphone, loyer au 7-12-13. Elle a raison, Laure, on appelle en anonyme, faut bien décrocher. Vous me répondez Virgin Radio et c'est gagné pour vous. En plus, là, vraiment, chaque SMS pendant 3 semaines jusqu'au 16 septembre, chaque SMS que vous m'envoyez est gardé, il est comptabilisé, il augmente vos chances d'être le gagnant le 16 septembre à 8h20 de non pas un an, non pas 10 ans, non pas 20 ans, mais bien de 50 ans de loyer. Vous avez un loyer de 1000 euros, je vous ferai un chèque de 600 000 euros. Vous avez un loyer de 1200 euros, je vous ferai un chèque de 720 000 euros. C'est quasiment une vie de loyer. Voilà le beau cadeau qu'on veut vous faire pour vous remercier d'être encore plus fidèles, j'en suis sûr, pour cette nouvelle année de Virgin Tonic qui démarre. C'est parti. Allez. Troisième et dernier tirage au sort de la matinée. On y va. Je rappelle les gagnants ce matin. Siam. Oui. 6h20, gagnante. Bim. Il y a une heure, Frédéric de Lorient, gagnant à 7h20. Oui, allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Fabrice. Bonjour. Oui. Fabrice, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est Virgin Radio. Bravo, je suis content. Tu fais quoi dans la vie, mon Fabrice? Je suis adjoint de sécurité au sein de la police nationale. Très bien. Je suis deux fois plus content de te faire ce cadeau, voilà, parce que je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter avec tout ce qui se passe. En plus, vous faites un métier qui est très très éprouvant et on vous remercie pour tout ce que vous faites. Voilà, les policiers, les forces de l'ordre, la police montée nationale. Mon Fabrice, à travers toi, alors, on les embrasse tous vraiment sincèrement. Mon Fabou, t'es d'où? Je suis de Seine-et-Marne, à Montévrain, juste à côté de d'Euro Disney. T'es policier près d'Euro Disney, t'es sur les raptous là. T'essaies de choper les raptous, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Oui, j'imagine. Mon Fabrice, t'as un loyer de combien en Seine-et-Marne? Je suis à 895 euros. On arrondit à 900 euros, ça veut dire que si... Grâce au SMS que tu m'as envoyé. Donc là, je te fais un chèque tout de suite de 895. Et ensuite, sache que je te ferai peut-être, du coup, si je te reprends au téléphone le 16 septembre, un chèque de 540 000 euros. Oh là là. Ça serait génial. Mais pas mal. Mon Fabou, je t'embrasse très fort. Je te souhaite bonne chance. Ça marche. Merci à toute l'équipe. Ça nous fait plaisir. Bise et passe une bonne journée. Merci en tout cas de te réveiller avec nous. 8h24, le Virgin Tonic qui continue avec Sia Cheap Thrills. Bon réveil. Hi, this is Tia on Virgin Radio. Virgin Tonic. Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup. I don't need dollar bills to have fun. Bon réveil à tous, 8h27. Belle matinée le 29 août, on est tellement heureux de vous retrouver pour une saison 3 qui démarre. Toute l'équipe est là, bien sûr. On parle d'été avec vous, on espère que vous avez passé des belles vacances, que vous ayez eu la chance de partir ou pas. On espère vraiment que vous avez pu passer un bel été. On est très très très content de vous retrouver. 6h, 9h chaque matin. On était en grand débat homme-femme. Oui. Ouais. Alors là, ça démarre, on n'a pas perdu de temps. Là, on est dans la castagne. Hmm. En quoi l'été? Alors l'été, hein, je précise. Les hommes sont imbattables, les femmes sont imbattables. Faut reconnaître, il y a des trucs sur lesquels vous êtes les meilleurs, les filles, choisir les melons. C'est vrai. Ouais, et les pastèques. Ouais. J'ai jamais vu un mec bien choisir un melon. Tu vois, c'est vrai. Alors il faut qu'il sonne un peu creux. Voilà. Tu le jettes, regarde, hop, strike. C'est bon, c'est celui-là qu'il nous faut. Ça marche comme ça, Pauline, au standard. Et bah, moi, je pense que vous êtes imbattables pour choper les moustiques la nuit. Moi, c'est vrai que je lâche hyper vite l'affaire et je me laisse dévorer. Ah, ben bah nous, la nuit, on attrape plein de trucs. Hein. Pas grave. Mais nous, on est imbattable pour trouver des jeux pour occuper les enfants. Ouais. Ouais. Alors, ouais, mais nous, on est imbattable pour faire des trous sur la plage. Oui. Ouais, enfin, ça sert à rien de faire des trous. Non, mais ça amuse les enfants. Bah là, je peux te dire, on est très, très fort. Stéphanie, ma chérie, bienvenue au 3916. Bonjour à toute l'équipe. Salut. Ça va, ma belle? Alors, les filles, vous êtes les meilleures. Vraiment, je te le dis à toi, Stéphanie. Vous êtes aussi très fort, Stéphanie, pour griller. Alors, moi, j'ai ma chérie, mais griller dès qu'il ne serait-ce qu'on a un demi-regard pour une jeune fille sur la plage. Oui, bah, ouais. Ça va, je te gêne pas? Non, non. Chouchou pour moi? Ouais. Oui, Clément. Mais on est très fort, nous les hommes, pour dire: attends, chérie, je regardais cette robe et je me disais, elle t'irait mieux à toi. On voit que t'es pas en couve, toi. C'est ça. Ça marche pas du tout. Steph, pourquoi vous êtes les meilleurs ou on est les meilleurs selon toi? Alors, pour moi, les mecs, c'est les meilleurs. C'est pour inventer des concours bidons pour amuser les enfants. C'est genre le lancer de tong, par exemple. Bah, je suis d'accord. Moi, par exemple, tout l'été avec mon neveu, ça a été genre la nage à contre-courant et notre ennemi, et il faut absolument la battre. J'étais son héros, il montait sur mon dos et je bats la nage à contre-courant. Il disait, ouais, t'es trop fort, tonton. Oui, ma petite Laure. Sauf que les jeux de papa, ça se termine toujours mal, en fait. C'est toujours. Les enfants finissent toujours par se faire engueuler, en fait. Oh, c'est sûr, ça? Oui, je suis sûr, ouais. Nous, on a bloqué la piscine à cause d'une tongue, justement, à cause d'un lancer de tongue. Voilà, ça arrive, ça arrive au meilleur. Clément. Moi, c'est des jeux utiles. Je dis, tu sais que personne, aucun enfant n'a jamais réussi en moins d'une minute 25 à ramener deux sneakers bar glacés du frigo. Ouais. Je peux le faire. Et il bat le record, évidemment, et j'ai de mes sneakers. Oh, il y a un truc dans lequel on est les meilleurs, les meilleurs. C'est quoi? Caler une table bancale au resto. Ah ouais. C'est les restos qui n'ont pas cet endroit de terrasse normalement, mais vu que c'est l'été, il faut faire la saison, ils peuvent mettre des tables, mais au milieu de passages piétons et tout. Et il faut caler la table. On est imbattable à ça. À propos du standard. Bah, moi aussi, moi je coince ma chaussure. Hein. Une chose du 2. Comment tu coinces ta chaussure? Non, mais je coince le talon. Ah bon? Je tiens la table, ouais. Eh, hey, t'as l'esprit pratique, faut qu'on parte un peu plus souvent en vacances tous les deux. Tu m'as pas appelé. Tu es parti avec Pauline? Ouais, elle cale super bien les tables. Sébastien, ça va mon pote? Salut Camille, je suis ravi de vous réentendre. Bah, nous aussi, mon poteau. Tu nous appelles pourquoi au 3916? Eh ben, pour te dire pourquoi les femmes sont imbattables. Mmh. Ouh là là, alors dis-moi, j'aime bien quand les hommes défendent les femmes. C'est bien, ouais. Ah oui. Non, ouais, elles sont vraiment imbattables pour trouver les plus belles criques pour se baigner. Par contre, à chaque fois, il faut 3 heures pour s'y rendre et c'est vraiment relou. Je savais qu'il y aura un mais. C'est sûr, en parlant des femmes. Mon petit Seb, t'as raison. C'est vrai que vous êtes très doué, vous connaissez les endroits, les criques et tout. T'es comme ça en Corse, Laure? Ah ouais, moi, je suis imbattable pour trouver les endroits. Ah ouais? Ouais, ah vraiment. Je peux t'emmener dans des endroits que personne ne connaît, que aucun homme n'a découvert. T'es en train de me dire quoi? Excuse-moi, t'es en train de me draguer. Je suis désolé, Juju. Oui, Pauline, au standard. C'est parce que nous, on bookine avant de partir en vacances. Le petit routard, moi, je me le fais en entier, je corne les pages, je note tout et je sais où il faut aller. D'accord. Ah, mais non, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans le travail en amont. Nico du bureau. Oui, elles sont fortes pour connaître les endroits. Par contre, pour s'y rendre, c'est beaucoup plus compliqué. Sébastien, on a été au troisième arbre à gauche, je comprends pas. Non, mais t'as tout à fait raison. Mon petit Seb, je t'embrasse. Bien, je vous envoie tous. Bisous à Stéphanie. Salut. Aussi qui est avec nous. 8h30, les amis, restez là. Plein de choses encore qui arrivent dans l'émission. Et un des tubes de l'été, hein. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Voilà ce qu'on va écouter dans un instant. Excellent réveil à vous tous. On est là jusqu'à 9h chaque matin. Merci de nous avoir rejoints. La saison 3 du Virgin Tonic a démarré ce matin. Info Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, on va enfin respirer un peu mieux. À peine 25 degrés en moyenne cet après-midi sous l'effet d'un ciel un petit peu plus couvert, des averses de la Nouvelle-Aquitaine au Grand Est via l'Île-de-France et un mélange de nuages et d'éclaircies de la pointe bretonne au rivage de la Corse. Mobilisation des producteurs de lait ce lundi dans tout le pays. Les agriculteurs veulent mettre la pression sur Lactalis. Ils promettent de mener des opérations dès aujourd'hui dans l'ensemble des régions. Objectif, forcer le géant laitier à remonter au plus vite ses prix d'achat. Un restaurateur de Seine-Saint-Denis accusé d'islamophobie. Il est mis en cause pour avoir chassé deux femmes musulmanes voilées samedi de son établissement, le Cénacle, à Tremblay en France. Il a fait un amalgame entre musulmans et terroristes. Le restaurateur a ensuite présenté ses excuses. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête. Cyprien Verseux a retrouvé l'air libre. Le jeune scientifique de 26 ans vient de passer un an avec 5 collègues enfermés dans un dôme à Hawaï. Une année sous cloche pour simuler la présence humaine sur Mars. Tout s'est bien passé pour le Français. Une fausse alerte à l'aéroport de Los Angeles. Le bâtiment est sur le point de rouvrir entièrement après avoir été bouclé quelques heures suite à une rumeur de fusillade. Début de panique dans l'aéroport, un homme en costume de Zorro a été interpellé. Et puis une explosion cette nuit à l'Institut de criminologie de Bruxelles. Il n'y a pas de blessés mais de gros dégâts. Une enquête a été ouverte. Vous pouvez encore gagner vos places en nous écoutant ou sur virginradio.fr. Dans 6 semaines, un nouvel électrochoc au Zénith de Paris. 13 noms, le meilleur de la scène électro, dont Lost Frequencies. Le DJ de 22 ans connaît bien l'exercice. Ce sera son 5e électrochoc. Il est impatient de revenir à Paris. Julie Pierret l'a rencontré. Donc ça, c'est la seule date d'électrochoc que j'avais fait. En plus, il y avait Flume qui était là. Et c'est un de mes artistes préférés. Je regrette. Donc, je suis impatient de retourner pour l'électrochoc parce que chaque fois, c'est vraiment la fête. Mais je pense que vu que ce sera en octobre, mon album se ressortira. Je vais jouer pas mal de chansons de mon album. Je vais voir si je peux pas amener les chanteurs. Peut-être que ce sera plus découverte et moins, parce que souvent ce que je fais aussi, j'aime bien faire des mashups et je balance un peu des sons et c'est la teuf. Là maintenant, ce sera peut-être plus assez découverte de présentation de mon album, donc on verra. Mais en tout cas, je vais jouer mes titres phares et ça va bien se passer en tout cas. Le Frequencies, le 6 octobre, électrochoc au Zénith de Paris, en interview toute la semaine dans les news de midi et de 20h. Un petit mot de football, Guingamp, Monaco, Nice, voilà le trio de tête au lendemain de la 3e journée de Ligue 1. Monaco s'est imposé 3-1 sur le PSG. Saint-Etienne et Toulouse ont fait match nul 0 partout. Enfin, Bordeaux a battu Nantes 1-0. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Tout de suite, le retour de Virgin Tonic avec Camille Cambal. Bon réveil. Merci à vous tous, 8h34, qu'est-ce que vous nous avez manqué pendant 2 mois? Ça y est, c'est reparti, le Virgin Tonic, 6h, 9h chaque matin avec Laure. Salut! Évidemment, qui touille son café. Elle touille, elle touille. Elle a retrouvé le sourire, ça y est, c'est plus elle qui paye le café, c'est Virgin. Elle est radieuse, il n'y a pas de petites économies. Pauline du Standard est de retour aussi, bien sûr, 3916. Pour me joindre. Pour te joindre, exactement. Ouais. C'est pas tes mensurations. Hein. C'est... J'aimerais bien. Bah, non, c'est hyper bizarre. 3916, c'est l'âge du nouveau mec de Pauline, non, c'est ça. Bon moyen mémotechnique pour nous appeler. Clément Lincruste est là aussi, plus beau que jamais. Bon, ça, je suis pas sûr, mais. Ah si, il est joli. Alors, t'as maigri? T'as fait quoi cet été là? Je vais pas essayer. J'ai fait attention à bien manger, mais j'ai très mal vu. J'ai fait attention à bien manger. Ouais. À beaucoup manger. Ouais. C'est important, oui. J'ai un problème, c'est que genre, je prenais une salade. Mais après, dans l'après-midi, je prenais 2 glaces à un mojito. Eh oui, mais là, ouais. Donc c'est, voilà. Ça compense. Mojito très sucré, puis les glaces, ça donne envie l'après-midi. Oui, Pauline. J'ai entendu Laure qui a dit. Elle a pas dit il est beau, elle a dit il est joli. Bah oui, il est joli. Il est sympa. Il est sympa. Oh là là. Mais non, on l'adore, notre Clément qui est de retour, bien sûr. 2000 euros à gagner, à dépenser dans les magasins but. C'est dans un instant. Appelez-nous justement, hein, le 3916. Vous allez jouer avec nous à un tout nouveau jeu, le Usain Bolt Game. Oh, okay. Jeu Usain Bolt. On vous explique ça dans un instant. Voilà, ça va parler un petit peu de son résultat aux 100 mètres des JO. Ah. En fait, j'ai tout dit. Ben voilà, ça va arriver dans un instant, 8h35. Mais avant tout, c'est le réponse à tout. Réponse à tout. Le réponse à tout, je descends dans la rue, je discute avec des enfants. Aujourd'hui, je leur ai demandé quel était leur plus grand rêve. Écoute bien, Camille, il y a peut-être une petite demande en mariage. C'est quoi vos plus grands rêves dans la vie? Le truc que tu rêverais de faire? Alors toi, c'est quoi? D'être tout le temps au parc d'attractions et d'être tout le temps avec tous les plus grands, mes plus grands fans du monde, comme Camille, Cyril, Black M, Kenji. Moi, mon plus grand rêve, c'est être avec mes fans. Et mon deuxième plus grand rêve, c'est quand je serai plus grande, d'être violoncelliste. Ça, c'est classe. C'est Camille Cambal, est un enfant, l'épouserait. T'aimerais te marier avec lui? Oui. Pourquoi? Ah, parce que j'y est trop gentil, il est trop mignon. Ben là, t'es sûr, mais il fait beaucoup de bêtises. Ouais. Mais tu lui demanderais comment? Je sais pas, c'est lui, j'attendrai qu'il vienne. Il viendra pas comme ça, mais c'est pas le Père Noël pour te signaler. Mais bon, quand même. Réponse à tout. Merci les enfants de jouer le jeu, même l'été. Et ouais, c'est tous les matins à cette heure-ci. Et de demain, nouveau rendez-vous, puisqu'on est reparti, ça y est, pour une nouvelle semaine de Virgin Tonic. On écoute un peu de musique, on joue avec vous. Je vous l'ai dit, chaque matin, 2000 euros à dépenser dans les magasins but. C'est génial, hein. Ouais. Meublé à nouvel appart, vous êtes étudiant et tout, c'est top. Mais Justin Timberlake, tout de suite, excellent réveil. Soyez les bienvenus. Virgin Tonic. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance, feel. So just dance, dance, dance, come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving, so, so keep dancing. Can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Can't stop the feeling. So keep dancing. Yeah. Oh. Yeah. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel creeping up on you, so just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance. And ain't nobody leaving, so, so keep dancing. Everybody say, tous, belle matinée, 8h40, vous êtes sur Virgin Radio. Virgin Tonic. Eh oui, le Virgin Tonic de retour, c'est reparti 6h-9h avec Laure, salut, avec Pauline, woohoo, avec Clément. Salut. Ils ont tous fait leur retour, malheureusement ils sont là, on les a pas pour mieux pendant les vacances. Merci en tout cas d'être avec nous, 3916, hein, le numéro pour nous joindre, le numéro aussi pour vous inscrire pour des très très beaux cadeaux. Notamment ce matin, et je suis très fier, alors vraiment je les remercie, c'est un cadeau énorme. Tous les matins, on vous offre 2000 euros à dépenser dans les magasins but. C'est génial. Quand, quand tu choisis bien, tu, tu choisis but. Tu choisis but. Merci de m'aider. But, ouais, franchement, et vous pouvez aller. Alors ça va, gros électroménager, petit électroménager, déco, meubles, canapé. Bref, c'est pour vous dire, voilà, vous pouvez refaire un appart, vous faire plaisir, mettre aussi, voilà, dépenser là pour la rentrée. Et comme ça, ça vous permet de plus dépenser pour les fournitures. Et c'est Ravière qui a été tiré au sort pour jouer avec nous au 39-16. Comment est-ce, Ravière? Oui, bien, Camico, ça va? Salut, Virgin Tonic. Salut, Ravière, t'es d'où, mon pote? Je suis de Barbantane. De Barbantane, c'est dans le 13. Ah, à dans côté le 13. De Arles. D'accord, très bien, mon pote. On est ravis de t'entendre. Tu fais quoi dans la vie? Je suis barman. D'accord. Et je suis ravi aussi de vous entendre, ça fait trop du bien de vous retrouver. Bon, on est content. C'est rare, un barman à 8h40 qui est réveillé? Ah. Bah, il est pas couché. Écoute, après, ça dépend. Ça dépend de mes soirées, très bien. Non, voilà, c'est ça. Bon, Ravière, attention. J'espère que tu as regardé les JO, puisque ça va être important. On va tout de suite jouer au 9 secondes 81 game. Je vais t'expliquer ça dans un instant. 3, 2, 1. 89-81-Game. Alors moi j'ai regardé les JO comme un dingue cet été. Et alors bien sûr il y a encore quelqu'un qui a gagné le 100 mètres, il est très connu, Usain Bolt, bien sûr le Jamaïcain. Il a gagné le 100 mètres en 9 secondes 80. Sans forcer. Sans force. Donc on va faire un jeu très simple. Tu vas choisir une personne de l'équipe, Ravier, ou Laure, ou Clément, ou la popo du standard. Et ensuite ils vont tirer quelque chose au sort dans un bol, d'accord, un petit truc au sort. Et ils auront exactement... le temps qu'a mis Usain Bolt à faire son 100 mètres, 9 secondes 81 et pas une de plus, pour te faire deviner ce qu'il y a sur le papier. Ça peut être un objet, ça peut être une personnalité, ça peut être un métier, ça peut être plein de choses. Mais oui. Ok. 9 secondes 81 maximum pour découvrir le truc. Okay, tu choisis bon Laure, tu choisis Clément ou tu choisis la popo du standard. Eh ben, j'ai vu que tout à l'heure elle touillait son café, elle doit être bien réveillée, Laure. Oui. On choisit. Attention, Laure. On va y aller. Tu peux tirer le papier. Ne l'ouvre pas encore, mais tire ton papier. Voilà, c'est fait. Tout est en direct, bien sûr, réalisé sans contrôle d'huissier. Attention. On y va. Dès que le papier est ouvert, 9 secondes 81. Ouvre bien tes esgourdes, Ravière. C'est parti. Ok. Alors, c'est un plat assez riche en sauce, très bon, que d'ailleurs ma mère faisait très bien. Ouais, voilà, avec de la viande et des carottes. Ravière. Une daube, j'aurais dit. Ah. Non, mais j'adore quand même. Je pense que t'as choisi la pire. C'est que Laure, pour te faire deviner un truc en 9 secondes, c'est ma mère le faisait très bien. C'est une lunette. C'est la mère de Laure, ce qu'elle fait le mieux. J'ai réalisé après. Mais oui. Ce qui est génial, c'est si demain elle tire lunette, elle dirait mais si, mon beau-frère Jean-Marc en a. Il emporte Jean-Marc. Enfin, Jean-Marc. Ah, il connaît pas Jean-Marc. Très bon. Alors, c'était quoi, Laure? Mais c'était un bœuf bourguignon. Ouais. Ah oui, viande, carotte, c'est ça? Bah oui. Oui, ma petite popo. Moi, j'avais trouvé parce que je connais sa mère. Merci. C'est vraiment, c'est des beaux moments. En tout cas, je suis tellement content de vous retrouver. Je vais te casser un bras, juste pour le plaisir. Les amis, attention, on va essayer un deuxième. Attention, ouais. Laure, c'est reparti. Ouais, ouais. Ah ben t'as choisi ton cheval, hein, mon Ravière. Elle a pris le café, je pense qu'elle est réveillée. Dernier essai, attention, 9 secondes 80. C'est un film, c'est mon film préféré, c'est le film préféré de Clément. Il y a eu un remake. Que... Non mais attends, il y a eu un remake avec Romain Duris où il faisait la danse, la fameuse danse où il y a le porté très connu. Dirty Dancing. Comment? Dirty Dancing. Non, non. Eh ben non. Bah, il y a le porté. Ah, mais c'est ça le film? Bah oui, ah, oui, pardon, je crois qu'ils ont cherché l'arnaqueur. Le film, comme t'as parlé de Romain Duris, j'ai cru qu'on cherchait l'arnaqueur, qui est le film avec Romain Duris. Mais non, on cherche l'original, dans lequel il y a la vraie danse, à savoir. Dirty Dancing! C'est le là, je suis en train de faire le porté avec Clément. Là, vous le voyez pas en studio, mais je suis en train de porter Clément là. Exactement. Comme dans le film. C'est la bombe blanche, je peux te le refaire, le remake. Je te porte si tu veux, pas de soucis. Mon Ravière, je suis très très très heureux. C'est notre jour de rentrée. On est content d'être là. Alors, on est content d'avoir que des gagnants. Ravière, la bombe. Cadeau magnifique pour toi. Wow. 2000 euros à dépenser dans le magasin but de ton choix. Voilà, pour t'acheter tout l'électroménager, refaire ton appart. Wow. J'y remercie. C'est une énorme somme. 2000 euros. On est très content de te faire ce cadeau. D'accord, Ravière? Vous déchirer, je suis trop content de vous retrouver. Je vais passer une super année encore avec vous et là c'est de la bombe. Merci beaucoup. T'es un amour, mon pote. Ravière, barman, mets-nous deux chants à côté. Tiens, c'est pour moi. Allez, c'est parti. Je t'embrasse, mon bichon. Merci d'être avec nous. Et il faut le refaire, ça. Ah ouais, c'est ouais. 9 secondes 80, pile de temps pour Usain Bolt de faire 100 mètres. Elle a pas le temps de nous faire découvrir une daube. Un bœuf bourguignon, là. 8h45, bon courage à vous tous. On écoute Kungs. Allez, ouais. Ouais. C'est parti. Don't You Know sur Virgin Radio. Kungs. Eve, Aix-Soi. Exactement. Bah oui, Aix-en-Provence, il est venu à notre dernière de l'année dernière à Aix-en-Provence. J'ai passé l'été à Aix, je ne l'ai pas croisé. Alors c'est pas vrai. Eh ouais. C'est prévu. Il n'est pas à Aix, hein. Il n'est pas souvent, il fait le tour du monde maintenant celui-ci. On ne l'a pas trouvé au Mistral. Restez avec nous sur Virgin, excellent réveil. On est là jusqu'à 9h, à vos côtés. Let's go! Salut, c'est Kungs dans Virgin Tonic. Virgin. I'm gonna we'll be right back. Belle matinée à vous tous, 9h10, soyez les bienvenus si vous arrivez tout juste sur Virgin Radio. On est très très heureux de vous retrouver 6h-9h chaque matin. Ça y est, c'est la rentrée des classes pour le Virgin Tonic. Oui. Courage à vous qui êtes peut-être déjà en voiture pour le boulot. Et puis aussi peut-être que vous avez passé la journée à préparer les fournitures scolaires, à faire plein de choses. C'est quand la rentrée exactement des classes? Jeudi. Jeudi, ouais. Jeudi, bah, bon courage à tous les parents et à tous les enfants. Profitez des derniers jours, fumez des clopes. Faites de... Non, ça va, non. Les amis, je viens de voir une étude incroyable. Ouais. Ouais. Sur le site de GQ. Ouais. Ouais. Alors, et c'est très sérieux, c'est une étude qui s'appelle Evolution and Human Behavior. Ouais. Elle nous révèle que les hommes sont plus séduisants en mangeant un certain aliment. Je le fais en version tout le monde veut prendre sa place. Version Nagui. Bonjour Nagui. Bonjour. Bonjour. Clément, attention. Duo. Ah bah il faut que je propose. Dans Duo, Duo Carré ou Cash, quel est l'aliment, selon toi, quand on le mange, il nous rend plus élégants? Carré. Duo. Carré. Donc les quatre, je te propose de la salade, des raisins secs, de la viande ou ses ongles. Je dirais de la viande, il y a un côté animal, genre j'ai mangé de la viande, je m'occupais de toi. Réponse validée. C'est une erreur. Bah c'est une erreur. C'est la salade. Ah bon? La salade permet aux hommes de dégager une sueur plus saine, plus attirante pour les femmes. Pour info, les hommes qui consomment beaucoup de glucides ont une sueur plus forte et moins agréable. Ah. Plus manger de glucides, plus voilà, l'odeur est pas ouf. En mangeant de la salade, c'est votre odeur quand vous suez, ça sent bon. Ok. Bah, j'ai jamais entendu parler de ce phénomène que vous appelez la salade. Je vais m'enseigner. Oui, pour le C'est pour ça que je mets mon mec Origine dès la rentrée, moi. Il a grossi cet été. Pour les odeurs? Non, mais c'est pour l'odeur. Pas pour l'odeur. Oui, Pauline, au standard. Bah, moi, il mange beaucoup de salade. William. Oui, mais parce qu'il a plus de dents. Plus manger d'aliments tous ses non-joignés. Pauline a trouvé l'amour. On recherche donc William de Bordeaux, 126 ans. Ils ont 10 ans d'écart. Voilà, donc n'hésitez pas si vous l'avez croisé à un bal musette ou à une fête comme ça. Surtout, contactez-nous, c'est important. William, n'aie pas peur. Appelle-nous sur Virgin Radio. On veut te parler. On t'offrira une baignoire avec une porte. On monte escalier comme la pub Jean Lefebvre. On te trouvera un truc, un beau cadeau. Mais appelle-nous, William. On veut avoir le mec de Pauline au téléphone. Mom, aloha, voilà ce qui arrive dans un instant. Ça, c'est pour le pop rock électro. Et on est à vos côtés jusqu'à 9h, bien sûr, chaque matin. C'est Virgin Tonic. Virgin Tonic. Virgin Tonic. Tous les matins, 6h, 9h. Sur Virgin Radio. Attention, nouvel événement Bouygues Télécom. Je t'écoute. En ce moment, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, au lieu de 26,99€. 14,99€. Avec 170 chaînes TV, plus le replay, plus 5000 films en VOD. Mais attends, tu vas un peu vite, j'ai pas eu le temps de noter. Normal, c'est du haut débit. Chez Bouygues Télécom, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3 euros par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. 3 enfants à la maison, ça en fait des bouches à nourrir. Avec la carte de fidélité Intermarché, profitez tous les jours de 10% en avantage carte sur tous les produits pâturage, Chabrieur, Paquito et Apta. Et ça, nous sommes les seuls à le faire. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Rejoignez notre communauté famille nombreuse sur intermarché.com. Offre soumise à conditions, voire conditions complètes à l'accueil de votre magasin et sur intermarché.com. Cultura. À la rentrée, les portes qui s'ouvrent sur la connaissance. Ça peut être sublime, oui, mais quand on est parent, ben il faut sculpter une liste à tiroir de fournitures scolaires dans l'urgence, se taper des queues dans les magasins, se faire délester d'une blinde, souvent. Parce que la punition, c'est pas les gosses qui l'ont, c'est nous, les parents. Fabrice, personne n'est puni chez Cultura, le spécialiste de la rentrée scolaire. On s'occupe de votre liste et on vous aide même à défendre votre budget. Cultura, l'esprit jubile. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô, patron? T'es à la foire au vin Lidl, j'espère? Oui, et cette année, c'est un cru d'exception. À partir de mercredi, les deux bouteilles de Bordeaux Terre d'Exception 2015 AOP médaillée d'or, dont une gratuite, sont à 3,78€. 1,89€ la bouteille. Moins de 2€ pour ce Bordeaux médaillé d'or chez Lidl. Mais nous, on fait pas exception à la règle. Comme d'hab, on est mal. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Plus d'informations sur Lidl.fr. 2,52€ le litre au lieu de 5,04€. La bouteille à l'unité, 3,78€. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est la rentrée chez Gémeaux. Ils sont imprimés, colorés, tendance. Les t-shirts Gémeaux, filles et garçons, à 2,99€. Elles sont vraiment fun, les running Gémeaux, à 9,99€ seulement. Et oui, la rentrée des classes avec Gémeaux, c'est vraiment classe. Gémeaux, c'est la mode qui vous aime. Offre valable du 17 août au 11 septembre. Leclerc. Maman, est-ce que tu prendrais un petit café carte noire fraîchement acheté chez Leclerc? Du carte noire en dosette? Et avec 40% de tickets Leclerc. Ah, je vois. Corsé classique ou espresso classique? C'est parce qu'on gagne encore plus à être fidèle au moins cher que du 30 août au 3 septembre chez Leclerc, les deux packs de 48 dosettes de café carte noire, plusieurs variétés au choix, sont à 8,88€, soit 13,21€ le kilo, avec en plus 40% de tickets Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. Mmh, il est délicieux. Bah, c'est du carte noire. J'adore. Pour votre santé, bougez plus. Nouveauté. Virgin Radio. Tu me dis de regarder la vie en couleur quand il fait noir autour de moi. Sur le dos, j'ai traîné pas mal de douleurs. Toi, tu me portais à bout de bras. Non, non, non, je n'ai pas toujours été sûr de moi. J'ai douté tellement de fois. Non, non, non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Salut à tous, bienvenue sur Virgin Radio. Si vous nous rejoignez tout juste, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver les copains. Ça y est, rentrée des classes. Ouais. On est reparti pour une troisième saison et c'est un bonheur chaque matin, 6h, 9h à vos côtés, avec toute l'équipe, avec Laura, avec Clément, avec la Popo, la Ginger sur les réseaux sociaux, Nico du bureau pour le scotch, les intercalaires, tout ce qui est bureau, les œillets, bien sûr, c'est lui qui s'occupe de ça, Nico Bou, le musicien de l'équipe, Robin, notre réalisateur, qui est aux manettes. Oh là là, quoi, quoi, quoi, ça va, et alors? À la Real? Et alors, mon pote, j'ai 64 ans, je suis en pleine bourre. Mon pote, je suis encore parlé aux jeunes, hein, je te signale. Hein. Ouais, je vois ça. Ouais. C'est grave quand même. Les amis, on est très très heureux d'être là, vraiment, sincèrement. On est tellement heureux qu'on vous a préparé une chanson. Ouais, oui. Comme ça, voilà, cadeau. On va chanter pour vous tous qui nous retrouvez ce matin. On est tellement contents de ça. Et puis, alors, je vous rappelle quand même qu'il y a des choses de dingue. Si vous n'étiez pas avec nous à 7h30, ça fait des semaines qu'on vous annonce une énorme surprise. Je pense qu'on vous a pas déçu. On va vous offrir le plus gros cadeau qu'on ait jamais offert sur Virgin Radio, et même peut-être en gain, je pense que ça doit être un des plus gros cadeaux jamais offerts sur une radio en France. Ouais. C'est complètement hallucinant, puisqu'on va vous offrir le 16 septembre 50 ans de loyer. C'est vous fou. Nous écoutez actuellement. N'importe quel moment, vous le savez, hein, toutes les heures, 6h20, 7h20, 8h20, vous pouvez gagner votre loyer. Vous m'envoyez loyer au 7 12 13 par SMS. Eh bien, chaque SMS vous inscrit pour ce grand tirage au sort du 16 septembre. Par exemple, vous avez un loyer de 490€. Je vous ferai un chèque de 294 000 euros. Voilà. C'est quasiment une vie de loyer. Voilà, je pense que ça va vraiment vous permettre d'avoir plein de beaux projets, de changer un peu votre vie, d'avoir vraiment des trucs de fou qui se passent. Et le beau cadeau qu'on voulait vous faire. Vous avez un loyer de 1040€. Je vous ferai un chèque de 624 000 euros. Voilà, ce sera le 16 septembre à 8h20, Ginger. En vrai, c'est mieux que le loto parce que t'as plus de chances de gagner en plus. Voilà. Eh ben oui. Pourquoi ? Ben, parce que c'est comme ça. C'est une étude. Mais non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup plus de gens qui jouent au loto, tout ça. Tu vois, t'as plus de chance, quoi. Oh, l'équipe. Ouais, parce que t'as beaucoup plus de chances de gagner. Pourquoi ? J'en ai aucune idée. J'avais juste envie de dire ça. Non, les amis, c'est un cadeau magnifique, vraiment. Ouais. Et chaque SMS, hein, pendant les 3 semaines qui nous amènent à ces 50 ans de loyer, chaque SMS vous inscrit 10 SMS d'ici le 16 septembre, 10 chances d'être tiré au sort. Voilà, bonne chance à tous, mon Clément. Ce qui est énorme, c'est de se projeter. Si par exemple, moi je gagnais aujourd'hui, la prochaine fois que je vois ma propriétaire, j'aurai 82 ans. C'est ouf. Ouais. En plus, je le rappelle, alors, il y a deux choses très importantes pour le loyer. Première chose, c'est qu'en fait, nous, on vous fait le chèque donc, du montant de votre loyer ou des 50 ans de loyer. Après, ce chèque, vous le dépensez comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire le loyer. C'est de l'argent, vous en faites tout ce que vous voulez. Acheter une voiture, un appart, une maison, un yacht, peu importe, vous vous faites plaisir. Mmh. Et le deuxième truc qui est très important, c'est que si vous êtes propriétaire, on prend la mensualité de crédit, le crédit que vous avez actuellement, et on vous fait ça fois 12 mois fois 50. Oui, c'est incroyable. C'est complètement dingue, l'or. Si tu me le payes à moi, ça veut dire que tu vas me le payer jusqu'à ce que ma fille ait 64 ans. Oh là là. Je reste 30 ans quand même. Et toi, 66 ans? Pas loin. On ne t'aura jamais. Les amis, voilà. Donc en tout cas, c'est très beau, la très belle surprise qu'on voulait vous donner ce matin. Demain, on aura aussi des packs Tans avec l'iPad mini encore à gagner, 2000 euros à dépenser chez But. Et demain, des places de concert. On vous offre un tour du monde du pop rock électro. Ce matin, c'était les Red Hot. On aura aussi Justin Bieber à vous offrir. Mais boyfriend, je préfère boyfriend. Vous pourrez gagner vos places tous les matins pour Justin Bieber, pour DJ Snake. En plus, on vous offre le transport, l'hébergement. Vous le savez, c'est-à-dire que vous partez à Chicago pour applaudir DJ Snake avec la personne de votre choix. Vous avez envie de partir à Ibiza, vous aimez The Avenger, c'est à gagner cette semaine aussi. Donc séjour tout frais payé à Ibiza, le concert de The Avenger. Et alors on vous offre aussi deux places, tout frais payé. Vous vous envolez pour New York avec la personne de votre choix. Il suffit de vous inscrire au 3916 tous les matins. Et en plus vous assisterez au concert de Adèle. C'est quand même pas rien. Pas dégueu, le concert est complet bien sûr. Et voilà, vous serez là avec la personne de votre choix. Plus le séjour à New York. C'est les très beaux cadeaux qu'on vous offre tout au long de la semaine. Et on vous l'a promis, une petite chanson. Alors on adore chanter. Bah oui. Notre entourage ne veut pas qu'on chante, donc on profite de la radio le matin. Et on vous a préparé une chanson pour vous remercier d'être déjà là. Au rendez-vous dès la première. Nous on est reparti pour un an de 6h à 9h. Ça nous fait très très très plaisir. On va chanter tous ensemble. Comment s'appelle la chanson, Nico Bros? On va trouver un titre. Alors oui, ça s'appelle On est rentré. Donc on s'est pas fait chier, hein, comme tu peux le constater. Je le constate, ouais. Et c'est sur l'air de cette fameuse chanson qu'on a entendue tout l'été de Justin Timberlake. Oh, Can't Stop That Feeling, que j'ai chanté sur la plage en mangeant des marshmallows avec les copains et tout. Ça s'appelle On est rentré. Voilà. Le titre est pas fou, mais la chanson, je peux vous dire, on y a mis tout notre cœur. Mmh. Attention, c'est parti, c'est pour vous, les amis. Merci de nous avoir suivis ce matin. Et cette saison, je fais des intros de 8 minutes. Ça y est, c'est parti, c'est la rentrée. On est tous prêts pour se lever et se marrer. Clément s'est lavé, Laure est bronzée, et Popo a presque fini de dessouler. Nico est bien au bureau, et Ginger sur les réseaux. Hashtag. Camille est toujours rigolo. Ouais, je fais un petit peu le faillot. Plus important pour ce matin, c'est qu'on est content de vous retrouver. Nous en plus on a 50 ans de loyer. À vous payer, à vous payer, à vous payer. Ah, là je suis sympa, vous voyez. C'est là qu'on voit qu'il y a 2 mois de vacances où j'ai pas joué de guitare maintenant. Le Virgin Tonic va vous réveiller, yeah, yeah, yeah. Pour une magnifique troisième année, yeah, yeah, yeah. On est là pour démarrer la journée, yeah, yeah, yeah. Au réveil pendant le petit déjeuner, yeah, yeah, yeah. C'est la première de l'année. On est heureux de vous retrouver. Vous nous avez beaucoup manqué. Désolé, on s'est pas chanté. Une bonne année, et j'arrive plus à m'arrêter. Et bonne fête à tous les relais. J'arrête pas de faire des rimes. J'invite à 20 euros pour le café. dites-moi d'arrêter. Bravo à Nico Bou, on rappelle le titre de ce tube. On est rentré. Gros brainstorm sur le titre, les amis. Ça a été un bonheur d'être avec vous ce matin. C'est reparti. Une année, 6h, 9h. L'équipe à demain. Tout le monde à demain avec donc ses 50 ans de loyer. C'est la grosse surprise qu'on vous a révélée à 7h30. Et Pierre-Alex qui est de retour. Ça y est. Mais ça fait tellement plaisir de vous retrouver ce matin en direct. Comment tu vas, mon poteau? Eh ben écoute, très très bien. Et vous, les vacances? Très très bien. T'as fait quoi cet été? Eh ben écoute, j'ai beaucoup voyagé. Moi, je suis parti Espagne, Portugal. Voilà. Wow. Puis j'ai pas en France aussi. Donc très très bien. Oh, ben, voyage. Eh ouais. T'es parti avec madame? Eh non. Mais madame est partie avec un autre et elle s'est éclatée. Elle s'est éclatée. Oh là là là là. Ah non, t'es toujours célibataire? Eh bah ouais. Tu vois, les vacances ne changent rien. Hein. Je pensais que ça allait changer, mais non. Mais alors, t'es toujours le beau gosse de Virgin Radio, ça, y a aucun problème. Allez voir les photos, vraiment, il est incroyable. Mais t'as pas des masses bronzées? Ah bon? Non, Ouais, le soleil t'as moins bien que les UV à l'année. Mais bah, oui, ça, c'est ça. Je propose de me mettre à côté de l'or, on va comparer. Ça fait Omar et Fred. Hein. Vous pouvez faire le SAV des émissions. Non, je pensais que tu t'arriverais encore plus affûté, plus bronzé. Ah, mais moi, je suis rentré il y a 2 semaines, c'était pour ça. Ça commence. Oui, ma popo du standard. T'as vu ce qu'il fait? Il nous fait remarquer qu'on est rentré que maintenant. Ben oui, mais bon, mon pote, on a pas arrêté, nous, là, le passé. Ah ouais. Bah, c'est clair. On est reparti 6h, 9h. Est-ce que t'as des cadeaux à offrir? Ah, bah, évidemment, ce matin, attention, électrochoc, c'est reparti, nouvel électrochoc le 6 octobre. Déjà? Aux Zénith de Paris. Et ouais, on remet ça. Y a qui? Alors, il y aura Lost Frequencies. D'accord. Il y aura aussi Alan Walker. Synapson. Les plus grandes stars électro seront là pour cet énorme événement. Il y aura Kungs aussi, t'imagines? Kungs, l'ex-roi, bien vous sûr. Vous êtes croisé ou pas avec en Provence? Non, ça prouve que t'écoutes pas l'émission. Ouais, parce oui, Clem. De tous les électrochocs qu'il y a eu, je crois que c'est la meilleure programmation. Mais là, ça va être dans. C'est la crème, c'est les Avengers de l'électro. Tu vas te remonter, tu as une place de parking, toi, donc. Je t'assure. C'est surtout une voiture. Allez, c'est à gagner grâce à Pierre-Alex qui vous accompagne jusjusqu'à midi. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain 6h. Salut tout le monde, ciao. Bye, ciao. Et on va démarrer la matinée avec Môme qui arrive. Your radio. Pop Rock. Electro. Info Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, un ciel mitigé pour débuter cette nouvelle semaine. Des averses de la Nouvelle-Aquitaine au Grand Est en passant par les Hauts-de-France et la région parisienne. Alternance de nuages et d'éclaircies sur le reste du pays. Prévoyez 25 degrés en moyenne cet après-midi. L'explosion d'une bombe cette nuit dans le nord de Bruxelles. La charge a visé l'Institut de criminologie de la police belge. Une voiture aurait forcé l'entrée du parking de l'Institut et un engin explosif a ensuite été déposé près des laboratoires qui ont pris feu après la déflagration. Les pompiers ont éteint l'incendie. Il n'y a pas de victimes mais de gros dégâts. Une partie de l'aéroport de Los Angeles a été bouclée hier soir en cause une rumeur sur une fusillade au sein du 3e hub aérien des États-Unis. Début de panique, des vérifications ont été effectuées. Fausse alerte, un suspect vêtu d'un costume de Zorro a été interpellé. Les agriculteurs veulent faire plier Lactalis. Les syndicats agricoles ont annoncé une grosse mobilisation nationale dès aujourd'hui pour forcer le géant laitier à remonter ses prix d'achat. Des opérations en cours de préparation dans l'ensemble des régions. J'ai pété un plomb et je m'en excuse. Déclaration du patron du resto Le Cénacle à Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis. Il est accusé d'avoir chassé 2 femmes voilées de son établissement samedi en leur tenant des propos islamophobes. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour discrimination raciale. L'actu musique avec la cérémonie des MTV Video Music Awards cette nuit aux États-Unis. Le trophée de la vidéo de l'année est allé à Beyoncé. Rihanna a, elle, reçu un prix spécial pour l'ensemble de sa carrière. Soirée à revivre à partir de 22h30 ce lundi soir sur MTV. L'actu geek avec la sortie de l'iPhone 7 qui pourrait être avancée au 16 septembre. C'est en tout cas ce qu'annonce Evan Blass, le spécialiste de la fuite concernant Apple, avec aussi une possible keynote de Tim Cook dès le 7 septembre. L'iPhone 7 qui aurait été photographié dans les mains d'une star asiatique ces jours-ci par un paradis à Taïwan. De son côté, Samsung sortira son nouveau Galaxy Note 7 ce vendredi en France, 859 €. Victime de son succès, Samsung a carrément dû interrompre les précommandes.